Bonjour tout le monde, voilà le replay d'émission est terminé. Nous sommes en direct maintenant jusqu'à 9h30 avec Julie qui est là également. Bonne Saint-Nicolas, Julie qui a été au top puisqu'elle nous a ramené plein de trucs à manger. Eh bien oui, des spéculoos, des mandarines. Oui, Saint-Nicolas est passé chez moi pour vous. C'est vrai, mais oui, bah, écoute, oui, on est ravis de l'apprendre. Hein. Oui. Tout ce qu'elle nous a ramené et tout, là on voit qu'elle est au top. Mais quand oui, même. Tout mais à oui. Fait. Franchement. Waouh wow. Saint-Nicolas est. Ah, elle a vraiment non ramené. Mais oui. Oh là là, mon Dieu. Je sais pas si je pourrais finir l'émission. Je sais déjà pas si je pourrais la commencer quand même. Oh là, c'est. On fera des photos de ce que Saint-Nicolas nous a ramené, hein. Ah ouais, non, mais. Ah bon, attends, on va faire des photos, mais. Saint-Nicolas est passé bon, mon Dieu à la maison pour vous. Ah bah, ça fait plaisir. Hein. Ça, bah, chez moi, il a pas dû savoir où j'habitais. Non, ça, c'est. C'est trop loin, chez il toi. Il n'a pas ouais été sage, c'est tout. Bah ouais, c'est peut-être ça. Ou alors, peut-être qu'il va placer plus tard, je sais pas, on va voir. Ah, on verra bien. Ça. On verra bien. Donc voilà, donc on va mettre les photos de ce que Saint-Nicolas nous a rapporté, hein. Oui. Enfin, Saint-Nicolette. Oui. Voilà. Bon, 6h25 sur Fun Radio. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, bonne nuit. Julie mais je me suis rendu compte quand même ce matin que se lever à 5h c'est quand même très tôt. Hein. Oui, c'est tôt, oui, là, c'est j'ai ça. J'ai eu un petit peu du mal. Qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Rien de spécial et en plus j'ai dû dormir très tôt, mais là je pense qu'il est temps que je prenne des vacances. Ça va venir bientôt, ouais. Ouais. Faut-il en pleine forme? En pleine forme. Bon, très bien. Bah, je salue également tous les auditeurs qui étaient hier soir dans la libre antenne de Vince puisque j'étais dedans aussi. Donc voilà, donc merci pour vos messages. Et puis voilà, c'est parti jusqu'à 9h30 ce matin avec la ligne anti-relou qui va arriver d'ici quelques instants. Nous aurons également les canulars de top. Enfin, pour faire chier le monde, ça va parler de quoi en deux mots aujourd'hui? Ah, de Saint-Nicolas. Ah bah évidemment, Saint-Nicolas. Oh, t'aurais pu parler, je sais pas, de Père Noël, juste pour faire chier le monde. C'est vrai, mais je n'aime pas faire chier le monde. D'accord. C'est pour ça, moi je. Bah oui, c'est ça, toujours la paix, l'amitié, l'amour. Mais et tout ça. Évidemment, bien moi sûr. Je suis pour la paix dans les familles. Très bien, donc Saint-Nicolas tout à l'heure est à l'honneur, évidemment, jusqu'à 9h30. Évidemment aussi, nous aurons les billets d'avion à vous offrir grâce à la devinette qui colle. Je vais la vous aider maintenant, tiens. Du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie, affaires, amour, jours et nuits. Tout s'y inscrit précisément. Qui est-il? Encore faut-il ne pas oublier. Comme moi, par exemple, j'en ai un, mais il m'arrive souvent d'oublier de le remplir, si vous voulez. Donc forcément, ça a une utilité beaucoup plus limitée. Mmh. Ouais, c'est vraiment pas pratique. Donc du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie, affaires, amour, jours et nuits. Tout s'y inscrit précisément. Qui est-il? Voilà, en général, en cette saison, on en reçoit des nouveaux. De la banque, par exemple, quand on est bon client ou des conneries comme ça. Bon, on en reçoit tout nouveau, qui sert à rien, mais on en reçoit un, puisque tout est électronique aujourd'hui. Si vous avez la bonne réponse, des billets d'avion sont à gagner pour partir où vous voulez en Europe. Ça fait plaisir aussi ça, hein, pour les fêtes et tout. Donc 63,22, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. On vous remboursera également les factures. Ça aussi, ça va arriver. Ce sera tout à l'heure à 7h10, 8h10 et 9h10 pour remporter les factures, le remboursement de vos factures. Là aussi, 63,22, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Mes amis, Love est en retard également. Il m'a envoyé un message, hein, pour faire l'infotrafic. Il y a un chantier pour rejoindre l'échangeur de Loncin, la bretelle d'accès à la 602 qui est bloquée. J'ai dû passer par des petites routes. Voilà, j'arrive. Oui, parce que ce chantier n'était pas là hier. Oui, bah visiblement il vient d'arriver. Donc, mais c'est lui qui vient de l'installer. En fait, oui, probablement. On propose également un calendrier pour la réponse à la devinette qui colle. Non, parce qu'on note pas en général des rendez-vous là-dedans. Donc voilà, cherchez un peu plus loin. Voilà, 63,22. Bonne chance tout le monde. Donc nous allons. Ah oui, ça y est, nous avons le numéro également pour le Luxembourg. Là, s'ils veulent nous joindre, je vous le donnerai d'ici quelques instants. Je ne l'ai pas sous les yeux. Je l'active et je vous le donne juste après. Donc restez là, tous ceux qui sont du côté du Luxembourg, du Grand Duché du Luxembourg. Vous allez pouvoir jouer avec nous aujourd'hui. Dès aujourd'hui même. 6h28 sur Fun Radio. Dans un instant, on écoutera David Guetta avec Usher et avec Without You. On salue également tous ceux qui sont connectés sur le Facebook et sur le Twitter MIKL officiel. Venez nous rejoindre et n'hésitez pas, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. 6h29 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est mardi le 6 décembre, jour de Saint-Nicolas évidemment, et l'info également avec Julie qui nous annonce de bonnes nouvelles pour Saint-Nicolas également. Eh bien oui, ça y est, c'est la fin d'une crise d'un an et demi, la plus longue du monde, sans surprise, Elio Di Rupo. Attends, on est bon, on n'est pas bon, hein, on fait pas les choses à moitié ici. Hein. Non, mais attends. Il a prêté serment et a présenté au roi son gouvernement hier soir, il y aura 13 ministres et 6 secrétaires d'État, 5 petits nouveaux, 12 vieux de la vieille et 2 revenants. Les prestations de serment auront lieu Et cet après-midi à 15h, l'opposition a déjà réagi. La NVA fustige un gouvernement obèse et écolo trouve qu'il sonne creux. Ce matin, les chauffeurs de la STIB ont repris le travail à Bruxelles. Plus de perturbations sur le réseau. Par contre, demain, il va falloir prendre son mal en patience à Liège. Le réseau Tech Liège-Verviers sera paralysé. Aucun véhicule ne devrait sortir du dépôt. Les travailleurs tech débrayeront en raison de la manifestation syndicale interprofessionnelle en soutien au secteur de la métallurgie. Il est possible que les lignes assurées par des sociétés privées circulent normalement. Ces lignes sont toutefois limitées à la périphérie liégeoise. Cette grève devrait durer 24 heures. Il y a près de 200 délits de fuite. Chaque jour, le nombre de délits de fuite qui ont suivi des accidents avec dommages matériels a augmenté de 20% en 4 ans. Il y en a eu un peu plus de 72 000 en 2010. Les délits de fuite précédés d'accidents avec dommages corporels stagnent quant à eux à 4 400 par an, soit une moyenne de 12 par jour. Et dans la moitié des cas, les fuyards seraient âgés de moins de 25 ans. L'Union européenne s'apprête à signer cette semaine le traité d'adhésion de la Croatie qui devrait, une fois ratifié, lui permettre de devenir en juillet 2013 le 28e État membre du bloc. Mais l'unanimité semblait en revanche difficile à réunir sous l'octroi du statut de candidat à la Serbie. Certains pays s'inquiètent notamment des tensions autour des postes frontaliers dans le nord du Kosovo où vit une population serbe opposée au contrôle de l'administration kosovare. Et puis l'agence de notation Standard & Poor's a jeté un froid. Elle menace d'abaisser la note de 15 pays européens, dont l'Allemagne et la France. En République démocratique du Congo, les résultats des élections pourraient ne pas être dévoilés aujourd'hui. Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. 20 000 militaires se tiennent prêts en cas de rébellion à l'annonce des résultats. Hier, au quartier Matongé à Bruxelles, environ 300 personnes se sont réunies pour une manifestation anti-Kabila non autorisée. La situation a rapidement dégénéré. Des voitures en stationnement ont été dégradées et des vitrines ont également été endommagées. Il est 6h31 sur Fun Radio. Nous allons dans un instant écouter le son de David Guetta avec Usher. Comme promis, ce sera Without You. Et puis avant ça, eh ben passons du côté de la météo. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles également? Saint-Nicolas nous a apporté le soleil, bien sûr. Eh bien, la journée sera fraîche, assez calme, avec de belles éclaircies. Ah, effectivement, Saint-Nicolas et nous apporte un gouvernement et mais du soleil. C'est pas mal. Aussi, c'est pour ça, hein. Donc de belles éclaircies sur la Wallonie, donc c'est bon pour nous. Et quelques averses hivernales du nord du pays au canton de l'Est. Donc c'est un peu une journée comme hier. Hein. Le vent d'ouest sera modéré. Température de 1 à 7 degrés, donc toujours un peu comme hier. Demain, pluie sur tout le pays. Ah, d'accord, voilà, ok. Bah, tu vois, là, après, il se barre, il n'y a plus rien. Hein, c'est demain, c'est plus Saint-Nicolas. Oui, bah, c'est ça, en fait. Hein. Bah, c'est un jour, pas deux. Hein. 6h32 sur Fun Radio, David Guetta, comme promis dans un instant. Je vous rappellerai la devinette qui colle également. Et puis, l'info en plus. Quelle est cette info en plus? Alors, moi, j'ai appris déjà, premièrement, ce qui m'a assez étonné, c'est que Ilio Di Rupo, qui est donc notre premier ministre, exact. S'est fait faire un lifting. Fait bizarre, hein. Oui, c'est. Ça fait bizarre de le dire. On a donc un courante. Premier. Non, c'est fini. Oui, c'est assez. Ils ont 2 ans et demi hein, pour essayer de relever un peu la barre. C'est pas gagné. Hein. Bonne chance à eux. Je propose qu'on vote déjà maintenant, comme ça, à la fin, hop, on pourra déjà enchaîner avec oui, parce le nouveau gouvernement. Il faut quand même 1 an et demi, effectivement. Bah, c'est ça. On gagnera un peu de temps, comme ça, c'est cool. Il faudrait qu'on vote dans 6 mois, effectivement. Donc il s'est fait un lifting. Oui, il s'est fait faire un lifting et il le dit au repos parce qu'il prend beaucoup, il prend beaucoup soin de lui, en fait. Il a une garde-robe aussi énorme, etc. Et moi, je me suis rendu compte, j'ai lu un article qui indique en fait que nos lobes d'oreille. Ouais. Sont des indicateurs de notre vieillissement. Ah bon? Et en fait, ça tombe, il souffre de la gravité comme le menton et les seins. Et donc, il y a un chirurgien qui explique que maintenant, ce qu'on fait de plus en plus, c'est aussi les lobes d'oreilles. Donc, on remet un peu de graisse dedans pour relever tout ça et donc donner un petit coup de jeûne à nos lobes d'oreilles. Moi, je me demande un petit peu où est-ce qu'on va s'arrêter. Bien sûr. Donc, voilà. Plus tard, ce sera, je ne sais pas, les pieds, par exemple. Oui, enfin, en tout cas, maintenant, on s'attaque un petit peu à tout et n'importe quoi. Et donc... le principal, c'est que ça fasse de l'argent. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, ouais, évidemment. Mais bon, c'est vrai que pour les filles qui portent des boucles d'oreilles, moi, c'est pas mon cas. Donc, moi, dans 50 ans, j'aurai des lobes d'oreilles qui auront toujours l'air d'avoir 20 ans. Waouh, la classe. Et ça, c'est la classe. Bon, par contre, évidemment, pendant toutes tes autres années, t'as été, pas très sexy, quoi. Mais bon, bah, attends, après... ça n'a rien à voir. Les boucles d'oreilles, c'est pas le truc qui rend sexy une femme. Mais j'avais pas envie de les percer, mes oreilles. Ouais, oh. C'est vrai. Donc, voilà. Bon, mais bah, très bien. 6h33 sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette pour repartir avec vos billets d'avion dès le matin, comme ça. Dès 6h30, on y va, cash, on n'a pas peur. Du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie. Affaires, amour, jours et nuits, tout s'y inscrit. Précisément, qui est-il? Ce n'était pas un calendrier, c'est ce qu'on nous avait proposé tout à l'heure. Si vous avez la bonne réponse, il sert d'aide-mémoire, on va dire ça comme ça. On l'a également dans les téléphones maintenant, c'est rare qu'on l'utilise en format papier, hein, sauf les plus vieux, évidemment. Si vous avez la bonne réponse, 63 22 22, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Et puis côté musique, eh ben, je vous l'avais promis, on se l'écoute de suite. C'est David Guetta maintenant avec Usher, Without You. 6h34, bon réveil et bonne Saint-Nicolas. 6h36 sur Fun Radio, bonne matinée tout le monde. Il y aura dans un instant le son de DJ Joss avec Magic Cat et Mandy, ce sera I Want You. Et puis nous allons parler, Julie me l'a dit mais j'ai oublié, de Charlize Theron. Ah oui, putain, j'aurais dû noter ça dans mon... C'est une très jolie actrice. Oui, oui, tout, non, mais tout à fait, j'avais oublié le nom en fait. Bon, oui, écoute, c'est vrai, une belle blonde. Charlize Theron qui a le cœur sur la main. Oh. En fait, elle est en train de se balader à Hollywood et là, elle se rend compte qu'il y a deux filles qui font un vide-grenier. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, un peu moins chez nous. Donc, sur le trottoir, tu mets un peu tous les meubles. Donc, devant chez toi, tu mets un peu tous les meubles. Les vêtements, ici, c'est des grandes poubelles, quoi, une fois ou deux fois par an, à la limite. Ouais, bah, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt une brocante, hein, vide-grenier. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est pas vraiment un. Ouais, voilà. Bon, écoute, elle tombe là-dessus, elle se rend compte que c'est deux actrices débutantes à Hollywood qui veulent se faire un peu d'argent parce que c'est pas très facile de débuter à Hollywood. Et alors, pour leur donner un petit coup de pouce, Charlize Theron s'est dit, je vais leur donner quelque chose qu'elles pourront vendre. Alors devine ce qu'elle leur a donné, parce qu'elle était donc, elle s'est arrêtée là, elle avait rien de spécial sur elle. Donc qu'est-ce qu'elle leur a donné? Je sais pas, un bijou, une montre Mais pas du tout, son soutien-gorge. Ah fort. Donc voilà, tout simplement, elle s'est dit, j'ai envie de les aider, c'est pas facile de commencer à ouvrir leur petit vide-grenier. Ah ouais, elle a raison, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Tout simplement, elle a plongé sa main dans son t-shirt et elle a ressorti son soutien-gorge qu'elle a donné à ces deux actrices en devenir pour qu'elles puissent vendre son soutien-gorge et se faire un petit peu de l'argent. C'est vrai que j'aurais dû être à Hollywood ce jour-là, moi. Ouais, ça certainement, parce que à mon avis, ça a dû le faire le bonheur d'un jeune homme qui a dû passer par là et débourser la somme pour rattraper le soutien-gorge de Charlize Theron. J'espère surtout qu'elles ont fait des photos du moment où elles l'enlèvent, parce que sinon, moi aussi, je peux dire que j'ai les soutiens-gorges de la terre entière, tu vois. Je ne crois pas, parce qu'à mon avis, elles ont dû être assez surprises sur le coup, donc je ne pense qu'elles n'ont pas eu le temps de faire une photo. Ah ouais, c'est vrai. Elles auraient dû y penser, c'est vrai, c'est dommage. Mais c'est pas mal, je trouve le geste assez rigolo. Le geste est original. 6h38 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est le 6 décembre aujourd'hui. Tiens, dites tout ce que vous avez reçu, tiens, pour Saint-Nicolas, parce que bon, après, c'est en général les petits, mais parfois, en couple, on s'offre aussi des trucs, pourquoi pas. Donc dites-nous ce que vous avez reçu, si vous avez reçu quelque chose. 3044 par SMS, on attend vos messages. Pareil aussi, gratuitement sur Facebook ou Twitter, vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. On vous attend nombreux. Et dans un instant, je vous l'ai promis, je vous le rappelle, DJ Joss, Magic Cut et Mandy, I Want You, ça va arriver sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's a morning time affair. Shut it. Mickaël. Fun. À la radio. Fun Radio. Yeah. 6h43 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. C'est l'heure de faire un tour du côté de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, sachant qu'il fait 3 degrés à Bruxelles, donc forcément moins ailleurs encore? Eh bien, bonne nouvelle, la chaussée est libre concernant l'accident sur le 411 Bruxelles-Namur-Luxembourg à hauteur de Restinct, donc bien en direction du Luxembourg, c'était au kilomètre 106.1. Par contre, circulation ferroviaire perturbée à la gare d'Herceau suite à un nouveau vol de câbles. Donc c'est entre la gare d'Herceau et celle de Froyenne. La circulation des trains est fortement perturbée, plusieurs retards allant de 15 à 40 minutes. Très bien, donc voilà, faites gaffe si vous êtes sur la route et surtout n'hésitez pas à nous tenir au courant si vous êtes témoin d'un problème, d'un accident, d'un bouchon ou même d'un radar éventuellement. 3044 pour envoyer vos messages, c'est 50 centimes le message, ou alors vous me faites un mail, c'est rapide comme ça, mikl@funradio.be. dans un instant, la ligne anti-relou sur Fun Radio et puis évidemment je vous rappellerai la devinette qui colle pour que vous puissiez repartir avec vos billets d'avion direction l'Europe entière. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et tiens, je vous avais demandé si vous aviez reçu là pour Saint-Nicolas. Il y a Issam de Liège qui dit, moi je vais recevoir un Samsung Galaxy pour ma Saint-Nicolas. Oh, sympa. Car pour l'instant j'ai un vieux Nokia. Ah bah oui, forcément, faut le remplacer à un moment ou un autre. Hein. Bon bah ça va, tranquille. Sympa là, Saint-Nicolas. Hein. Oui, Saint-Nicolas. Il a pas été généreux avec tout le monde. Très très très très sage de ce côté-là. Peut-être, apparemment, effectivement. Bon, et puis dites-nous aussi si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle. Là aussi, Fun Radio se transforme en Saint-Nicolas toute la semaine, puisqu'on vous offre des billets d'avion toutes les heures sur Fun Radio jusqu'à 9h30 tous les matins entre 6h et 9h30. Écoutez bien la devinette, du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie, affaires, amour, jours et nuits, tout s'y inscrit précisément. Qui est-il? On propose un journal intime? Non, on propose un répertoire? Non plus. Répertoire, c'est juste pour répertorier les gens que vous connaissez avec leur numéro de téléphone, leur mail, etc. Mais c'est pas pour les rendez-vous par exemple. Voilà, bonne réponse au 6322, 1€ le message. messages et vous repartirez peut-être avec vos billets d'avion. On en a offert 3 hier, enfin 3 fois 2 billets d'avion hier, donc ça s'est plutôt bien passé la journée d'hier. Bon, passons maintenant à la ligne anti-relou. Vous connaissez le principe de la ligne anti-relou. C'est un numéro qu'on met à votre disposition, le 0473 86 0013, et bah tout simplement à donner à tous les relous que vous allez croiser en rue, dans les boîtes, dans au boulot éventuellement, peut-être même des clients qui viendraient dans votre boutique qui sont un petit peu relous, bah donnez-leur ce numéro de téléphone là et forcément eux termineront sur la ligne anti-relou, comme lui par exemple. Salut, c'est Véro, bah, je suis devant l'IDIN. Tu me rappelles? Rendez-vous dans l'hôtel. En fait. C'est bon ça. Rendez-vous. Ben, je suis à l'hôtel. Direct, tu n'es pas là. Et rien. Qu'est-ce que je fais? Bah rien, tu vas rien faire du tout, tu vas attendre simplement. Hein, je me demande combien de temps elle a attendu. Combien de temps les gens peuvent attendre comme ça? Ouais, bah après, tu sais pas, si tu restes quand même au moins une demi-heure, tu te dis un embouteillage ou une connerie, tu vois. T'attends mais si un t'as peu, pas de nouvelles, attends. Ouais, pas si t'as nouvelle. Pas de nouvelles, c'est vrai, c'est vrai. Deuxième message. Voilà, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça fait 30 fois que je t'appelle, tu réponds jamais, je comprends pas. J'en ai marre. Ciao. Lui par contre il a l'air beaucoup moins patient lui, tu vois. Mais je crois qu'il a vite compris lui. Ouais je... voilà, alors, ça dépend. Ça se trouve ça fait deux jours qu'il attend devant le rendez-vous. Hein. Un petit qui plante sa tente, tu vois. C'est vrai, on sait pas. Pour attendre. Allez, troisième et dernier message pour cette heure-ci en tout cas. Ouais, allô, bah alors t'es où? Ça fait deux heures que je t'attends, tu fais le premier bowling, j'en ai marre, là, c'est la troisième fois. Bon, salut. Non mais elle est complètement con, ça fait trois fois qu'elle se fait avoir. Ouais. Et le mec trois fois il la rappelle pour lui dire ah écoute désolé hein, j'ai pas pu être là mais on se donne rendez-vous. S'il a pas été la première fois il ira pas les fois d'après. Bon, retour de la ligne anti-relou, c'est dans moins d'une heure sur Fun Radio. Alors côté cadeau de Saint-Nicolas, tiens, j'ai reçu un rasoir, un jeans et ma place pour aller voir Aurel San en concert avec Fun en plus. Tiens, c'est Lucas qui m'a envoyé le message. Bon bah ça va, bon délire ça. Qu'est-ce que j'ai reçu? Moi je vais m'acheter le maillot du Barça. Bah pourquoi pas aussi, tiens, tant qu'à faire. Et puis bah dites-nous si vous avez reçu les trucs pour Saint-Nicolas, vous nous en parlez au 3044 sur Twitter ou Facebook, vous tapez M-I-K-L officiel. Et puis on va écouter le son de Dédiqué maintenant et Magic Cut Dédic Cool sur Fun Radio. 6h49, c'est le 6 décembre aujourd'hui. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Saint-Nicolas. Hein. Il est 6h53 sur Fun Radio et bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio, on est ensemble jusqu'à 9h30 ce matin avec les billets d'avion à la clé. Je vous rappelle la devinette qui colle dans quelques instants et puis là on va faire chier du monde, teuf, avec Saint-Nicolas donc. Mais non, on va pas faire chier du monde, si, arrête de dire ça. Bah c'est un peu ça quand même. Mais non. Bah si, c'est un peu ça. Mais non, j'appelle pour savoir ce que Saint-Nicolas a apporté. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, sinon il y a Yves sur le groupe Facebook qui dit bonjour, moi pour ma Saint-Nicolas j'ai reçu un seau à champagne de ma petite chérie, voilà, et un mal au dos aussi. Bon bah bonne journée, salut Yves. Alors t'amuses-toi bien hein. Donc du coup on va appeler mais tu vas dire quoi? Que t'es Saint-Nicolas, tu vas faire quoi? Mais non, pas du tout, je vais appeler pour savoir ce que les gens ont reçu. Ah, pour simplement savoir ce que ça Saint-Nicolas a apporté. Bah oui, d'accord, ok, bon bah très bien alors, okay, voilà, pas de problème. C'est juste pour savoir ce qu'ils ont reçu, et parce que moi j'attendais un cadeau et je l'ai pas reçu. Ah ouais, d'accord, ok, très bien, c'est ça. Ouais, bah t'as pas été sage, qu'est-ce que je te dise. Bon, on va appeler Alibin. Mais appelons Alibin, en plus il va être content que tu les appelles à cette heure-ci pour les faire chier par rapport à ça, tiens. Mais je n'appelle pas pour faire non, chier. Non, oui, on a compris. Oh là là. Bon, allez, on y va. Il y aura Beyoncé derrière. Avec plaisir. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Et qui, là? Oui, voilà, c'est Toff. Vous êtes trompé, là? Non, pas du tout. Je voulais savoir si Saint-Nicolas était passé chez vous. Vous êtes trompé de numéro, vous n'êtes pas au bon numéro. Ah si, je suis au bon numéro et je voulais savoir si Saint-Nicolas était passé chez vous. Vous êtes où, là? Ben, chez vous. Non. Ben si j'étais pas chez vous, vous décrocheriez pas. Mais vous êtes trompé de numéro. Mais non, pas du tout. Je vous appelle pour savoir si Saint-Nicolas est passé chez vous. Et comment ça vous intéresse, ça? Ben, pour savoir. Écoutez, hein, des communications comme ça, merci, hein, bonsoir. Hein. Non, c'est le matin, madame. Bonsoir. Non mais enfin, c'est une expression Toff. Bonsoir, c'est une expression. Merci, bonsoir. Hein, allez, bonsoir. Ah, ouais, c'est ça. Non, c'est... Bah non, je suis désolé. C'est le matin. Le bon, matin, allez, c'est on va le matin. Rappeler. On va le rappeler. Oh, t'es hein. Mauvaise foi ce matin. Bah, oh là, il est relou. Hein. Ah oui. Bon, on la rappelle. Oui. Allô. Oui, excusez-moi. On a été coupé. Vous n'avez pas le temps de me dire ce que vous avez apporté Saint-Nicolas. Mais pourquoi est-ce que je dois vous dire ce que Saint-Nicolas a apporté? Bah, pour savoir. Parce que, en fait, voilà, moi j'attendais un cadeau et je l'ai pas reçu, alors je me disais que peut-être il s'était trompé, qu'il l'avait livré chez vous. Ça me va pas à 6h au matin pour me téléphoner pour demander des trucs comme ça. Bah, ah, vous avez remarqué, on est le matin, hein, parce que vous m'avez dit bonsoir tout à l'heure. Donc je me disais que vous êtes... On ne même pas 6 heures au matin pour demander si Saint-Nicolas a passé, non ? Bah si ! À quelle heure vous voulez que je vous appelle, sinon ? Mais moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous demandez si Saint-Nicolas a passé. Il a passé, point, puis quoi ? Oui, mais je voulais savoir ce qu'il vous a apporté, parce que moi j'attendais un truc et il ne me l'a pas apporté. Alors je me disais que peut-être il l'avait apporté chez vous et qu'il s'était trompé. Non, enfin je ne vais quand même pas vous dire ce que Saint-Nicolas a apporté à mes petits-enfants, quand même. Bah si, parce que peut-être qu'il a fait une erreur et que c'est chez vous qu'il a apporté mon cadeau. Oui, mais de toute façon, même s'il a fait une erreur, vous ne rendrez pas votre cadeau, c'est tout. Allons, mais c'est insensé ça. Pas du tout. Je levais les gens 6 heures au matin pour venir demander si Saint-Nicolas a passé. Bah oui. Bah c'est normal, ça le 6 décembre. Mais ça ne va pas dans votre tête, non ? Bah si, ça va bien. Parce que moi j'avais demandé. Je ne crois pas, non. J'avais demandé à Saint-Nicolas et il ne m'a pas apporté. Alors je me disais que peut-être, vous voyez, il s'était trompé, ça arrive, vous savez, à son âge. Non, mais j'en peux rien si vous n'avez pas eu ce que vous aviez demandé. Hein. De toute façon, le cadeau n'est pas chez nous, point. Oh, vous m'emmerdez hein, pour finir. Ah bah voilà, comme ça c'est arrangé. Hein. Tu vois que tu fais chier les gens. Tu vois que tu fais chier les gens, on l'avait dit, tiens. Mais non. Bon allez, on rappellera tout à l'heure. On rappellera d'autres personnes tout à l'heure. Il y a l'info de Julie qui arrive dans un instant. Je vous rappellerai également la devinette qui colle sur Fun Radio. Il est 6h56. Bring the beat in. Un des morceaux préférés à l'instant. Et donc Julie est malade apparemment, hein, comme vous remarquez, on a vraiment pas eu de chance. J'ai juste ouvert le micro au moment où elle commence à tousser sans savoir évidemment. Désolé. Le son de Beyoncé à l'instant, Love on Top. Ça fait très Swing Out Sisters, très années 80. Mais c'est sympa. Dites-nous tiens, si vous avez aimé ou pas. Au 3044 par exemple, ou alors sur mikael@funradio.be. Dans un instant, le remboursement des factures. Et dans un instant également, nous allons aussi vous rappeler la devinette qui colle pour vos billets. Ne bougez pas. Mikael à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h, dans un instant c'est l'info. Et puis je vous rappelle également qu'il y a les factures qu'on va vous rembourser dans un instant. Je vous expliquerai comment faire d'ici quelques instants plus en détail. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez y aller, hein, 6322 code facture. Et puis rappel également de la devinette qui colle pour repartir avec vos billets d'avion cette semaine. Du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie, affaires, amour, jours et nuits. Tous y inscrits précisément. Qui est-il ? On proposait un sapin. Non, je ne vois pas le rapport. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas un calendrier non plus. Ça y ressemble, mais c'est plus petit et ça sert à mettre plus d'infos dedans en termes de rendez-vous, par exemple. 6322, c'est 1€ le message. Bonne chance, tout le monde. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h01 sur Fun, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, ça y est, c'est la fin d'une crise qui aura duré 1 an et demi, la plus longue du monde. Sans surprise, Elodie Rupo est Premier ministre. Il a prêté serment et a présenté au roi son gouvernement hier soir. Le casting ministériel dit Rupo Premier ne change pas fondamentalement. Il y aura 19 postes au lieu de 22, 13 ministres et 6 secrétaires d'État. Concrètement, 3 ministres conservent leur poste, 7 ministres changent de poste. Un ministre fait son entrée, Monica de Koning, SPA, ministre de l'Emploi, et un ministre fait son retour au gouvernement, Johan Van Delanotte. Les prestations de serment auront lieu cet après-midi à 15h. L'opposition a déjà réagi. L'ANVA fustige un gouvernement obèse et écolo trouve qu'il sonne creux. Ce matin, les chauffeurs de la STIB ont repris le travail à Bruxelles. Plus de perturbations sur le réseau. Par contre, demain, il va falloir prendre son mal en patience à Liège. Le réseau tech Liège-Verviers sera paralysé. Aucun véhicule ne devrait sortir du dépôt. Les travailleurs tech débrayeront en raison de la manifestation syndicale interprofessionnelle en soutien au secteur de la métallurgie. Il est possible que les lignes assurées par des sociétés privées circulent normalement. Cette grève devrait durer 24 heures. Il y a près de 200 délits de fuite chaque jour. Le nombre de délits de fuite qui ont suivi des accidents avec dommages matériels a augmenté de 20% en 4 ans. Il y en a eu un peu plus de 72 000 en 2010. Les délits de fuite précédés d'accidents avec dommages corporels stagnent quant à eux à 4 400 par an, soit une moyenne de 12 par jour. Et dans la moitié des cas, les fuyards seraient âgés de moins de 25 ans. L'Union européenne s'apprête à signer cette semaine le traité d'adhésion de la Croatie qui devrait, une fois ratifié, lui permettre de devenir en juillet 2013 le 28e État membre. Mais l'unanimité semblait en revanche difficile à réunir sur l'octroi du statut de candidat à la Serbie. Et puis l'agence de notation Standard & Poor's a jeté un froid. Elle menace d'abaisser la note de 15 pays européens, dont l'Allemagne et la France. En République démocratique du Congo, les résultats des élections pourraient ne pas être dévoilés aujourd'hui. Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. 20 000 militaires se tiennent prêts en cas de rébellion à l'annonce des résultats. Hier, au quartier Matongé à Bruxelles, environ 300 personnes se sont réunies pour une manifestation anti-Kabila non autorisée. La situation a rapidement dégénéré, des voitures en stationnement ont été dégradées et des vitrines ont également été endommagées. Il est 7h04 sur Fun Radio. Dans un instant, comme promis, c'est Sean Paul qui arrive avec She Doesn't Mind. Et puis on aura également le remboursement de vos factures. Je vous explique comment ça se passe après la météo. La journée sera fraîche mais assez calme avec de belles éclaircies sur la Wallonie et quelques averses hivernales du nord du pays au canton de l'Est. Donc c'est un petit peu une journée comme hier. Hein. Pareil pour les températures de 1 à 7 degrés. Demain, par contre, pluie sur tout le pays. Eh ben, quelle bonne nouvelle. Tiens, en parlant de pluie, si ça vous saoule un peu le temps qu'il fait ici la semaine prochaine, on vous enverra à Tignes pour passer les fêtes de fin d'année avec Antoine Clamaran. Donc ça peut être un très très bon moment, ça. Donc soyez là dès la semaine prochaine à partir de lundi sur Fun Radio entre 6h et 9h30. Fun Radio. Fun Radio. Il est 7h05 et donc les factures, on va vous les rembourser dans un instant sur Fun Radio. Pour vous les rembourser, il suffit de vous inscrire au 6322. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous rappelle et on vous rembourse. C'est aussi simple que ça. On comme là, facture de 79€ pour la montre, l'anniversaire du fils, c'est Antoine. C'est le fils Antoine a priori. 66,39€ pour le téléphone, 83€ pour un GSM. Qu'est-ce qu'il y a également? Remboursement de Proximus Payngo, c'est 40€, etc. Donc voilà, si vous voulez que vous aussi on vous appelle pour vous rembourser votre facture, 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Quelle est l'info en plus? Alors je sais que tu es en plein régime, Mickaël. Oui. Mais alors est-ce que tu remplaces les aliments par du light? Ça m'arrive, mais en boisson, ouais, sinon le reste, non. Eh bien, écoute, les aliments light, en fait, pourraient te faire grossir plutôt que te faire maigrir. C'est des scientifiques qui ont découvert qu'en fait, les aliments normaux, le goût de la graisse ou du sucre, eh bien, informent le corps de ce qu'il ingurgite. Et donc, du coup, le corps décide de faire chauffer la machine pour faire brûler les calories. Alors, évidemment, l'absence de goût dans le light perturbe le corps qui ne sait pas trop à quel type d'aliment il a affaire et donc il fait beaucoup moins le boulot. Et aussi, on dit que le niveau maximum de graisse et de sucre n'est pas encore atteint vu qu'on mange le light. Et donc, du coup, le corps, ça nous pousse à manger plus. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est pas la première fois qu'on se dit que le light, c'est pas si, si bon pour la santé. Une fois de plus, une étude prouve que notre corps serait pas tout à fait d'accord quand on lui fait manger du light. Bon, moralité, un bon quick, Giant, Coca, full sugar et frites mayonnaise. Manger de tout. Mais oui, tout simplement. Surtout manger gras. Non, pas du tout, mais manger raisonnablement. 7h07 sur Fun. Les factures, on vous les rembourse dans un instant et on écoute Shanna Paul maintenant. C'est She Doesn't Mind. C'est le 6 décembre aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Bonne fête. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. En direct sur Fun Radio tous les matins, on est comme ça tous les matins, on appelle au hasard pour rembourser des factures sans toute simplicité. Qu'est-ce que tu te ferais rembourser, Julie, là, ce matin? Pour Saint-Nicolas, par exemple, t'as un truc que tu dirais, tiens, bon, pas ta porte, hein, parce que tu commences à nous saouler avec ta porte, là, depuis le mois d'août, là. Mais non, j'avais un autre truc, mais j'ai oublié. J'en ai parlé, d'ailleurs, hier ou avant-hier. C'est que c'était pas important, alors. Ah, je sais plus. Un voyage. Mais non, c'était pas un voyage. Si, c'était ta facture d'électricité, il me semble, tu avais dit, non? Non, enfin bon, bref, ça c'est toujours bon à prendre, ouais, une facture d'électricité, ouais. Ouais, bah bien sûr. Et toi, t'as un remboursement à faire? Pardon, j'ai vu un putain d'écran plat, 3D, machin et tout, moins de 400€. Hein? Ouais, ouais. Il venait d'où? Ouais, mais attends, la qualité. Samsung, ah ouais. Mais ça doit être le tout premier qu'ils ont inventé, pas tout à fait au point. Non, ou alors un 5 pouces, tu vois. Je vais pas dire dans quel magasin c'est parce que j'aimerais bien garder la promo un peu pour moi. Ouais. Mais en gros, c'est la 3D au prix de la 2D. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, mais ce qui m'emmerde avec la 3D, c'est les lunettes. Bon, enfin bon, après, on va pas rentrer dans le débat. Bon, allez, c'est parti, on y va, on va rembourser une facture maintenant. Oh, une belle facture! Ouh là là! Ooh. Eh oui! Bon, alors on y va. On appelle, si il ou elle décroche pour la facture, justement, en l'occurrence, on lui rembourse. Si elle répond bien aussi à la devinette, ce sera mieux. Ah là, bon là, je mélange tout. Alors, ça ne sonne pas? Que se passe-t-il? Ah voilà. Et donc ça a été lent ce matin. Je ne suis pas là pour l'instant. Oh, c'est dommage. Ma possibilité s'offre à vous. Soit me laissez un message, soit me rappelez plus tard, soit je vous rappellerai. Non, on va te laisser un message. Ça, hein. On va te laisser un message. Allô, bonjour. Eh bien, une possibilité s'offre à toi, perdre. En l'occurrence, puisque tu n'as pas décroché, c'est bien malheureux. Et encore parce qu'elle a pas entendu, parce que t'as l'impression que l'homme, c'est ses factures à chaque fois qu'on lui rembourse, quand ça décroche pas, c'est oh putain merde. Ouais, c'est ça, il est déçu. Bon, l'homme, mais c'est dommage pas ton parce argent. Que on remboursait 65€ normalement pour la lingerie de Mère Noël. C'est dommage. J'aurais bien voulu des photos. Bah oui, j'imagine bien. Ouais. Mais enfin bon, là, malheureusement, c'est perdu. Hein. Bon, bah tant pis, je te fais quand même des gros bisous. Et puis, bah tu reviens quand tu veux. Hein. Surtout, il n'y a pas de problème. Tu rejoues avec nous quand tu veux. Vous connaissez le principe, les autres. Puisque ça n'a pas décroché, on n'a donc pas offert les cadeaux. Vous pouvez, enfin, pas la facture en l'occurrence, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On ne sélectionnera que ceux qui s'inscriront entre 7h10 et 8h10 au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Dans un instant, c'est l'horoscope. Et puis, on va écouter le son de Jason Derulo également. C'est Hit Girl. Ça va arriver dans un instant. Pareil aussi pour la devinette qui colle. Je vous la rappellerai pour gagner vos billets d'avion. C'est dans un instant sur Fun. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio et on signale un camion en panne, bande de droite direction Grand Bigard avant Jette. Voilà, comme ça vous êtes prévenus, c'est sur le ring. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et c'est l'horoscope. Qu'est-ce que vous faites là, Maître Ping? T'es pour l'horoscope. Non mais on a déjà Doudou là pour ça. Là. Oui mais elle est un peu touffante ce matin, alors tu le remplaces. Attendez, vous êtes restaurateur, Maître Ping, pas astrologue. Pas du tout, t'es nous, on est toutes un peu astrologues. Ça c'est vrai, ouais. Les Chinois en général. Oui, oui, oui, c'est sûr. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on va y aller. Hein. Donc, les béliers. Du coup, vous êtes trompés. Ah oui, pardon. Ah mais oui, l'horoscope chinois. Le rat. Voilà. Génial. Alors, en affaire, la tante sera à vos côtés avec cet aspect désastre de fond chaos. Chouette, je suis rat. Oui. Ah bah, t'es première maintenant, parce que moi je suis coq, hein, donc si voilà. Le buffle. L'astre de Montduc veillera à vous voir enfin réaliser quelques-unes de vos ambitions professionnelles les plus chères. Le tigre. Si vous avez des ennuis d'argent, les astres Tianfeng, en bonne position dans votre ciel, vous offrira de nombreuses possibilités de vous en sortir. Le chat. Vous serez en forme et pour cause, c'est l'astre Hoaxing, le concentré d'énergie du ciel qui va prendre les commandes dans votre secteur santé. Le dragon. Il faut un traducteur. Oui, bah, c'est un peu compliqué, hein. Mais il va s'y faire. Le dragon. Vous vivrez cette journée dans une ambiance des plus détendues et aurez le sentiment de mieux profiter de votre liberté. D'accord, c'est comme s'il manquait des lettres en fait. Ouais. En tout cas, le début des lettres. Le serpent. Avec l'astre Tianqi, mal aspecté, il vous sera difficile de rester. De réditer à l'envie de faire des scènes de jalousie. Le cheval. C'est mal. Oui, le cheval. Ouh là là, le cheval. Les astres Kumon et Oaki, bien placés dans votre ciel, vous permettront de vous rapprocher de votre partenaire. Le bouc. Ah oui, le bouc. Cet aspect de l'astre... Sympa quand même, hein. Cet aspect de l'astre Vankuk pourra vous jouer des tours aujourd'hui. Ce ne sera pas le moment de prendre des risques sur le plan financier. Le singe. Le présent impact planétaire pourrait vous causer quelques difficultés dans votre travail. D'accord. Le coq. Ah, ça c'est moi, ça tient. L'astre O'Clock vous rendra exagérément optimiste dans votre métier et vous incitera à tout estimer les difficultés. Le chien. Quel toulagement. Débarrassé des influences perverses de l'astre Fonk K.O., vous recommandez à jouir d'une excellente santé. Et enfin, le cochon pour terminer. Pour les solitaires, c'est la présence de la planète Basho dans leur ciel, qui va marquer le début de la période particulièrement faste côté cœur. Très bien. Bon, bah, merci, Maître Ping, à dans une heure. Hein. Merci pour le remplacement. Hein. Bien sûr, avec plaisir. Très bien. Vous savez, moi, si tu peux rendre du service. Bah oui, j'imagine. Bon, il y a Issam de Liège qui envoie un message. Il est où, Doudou, Mickaël? Bah, il est malade, apparemment, aujourd'hui. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Il sera de retour demain, probablement. En attendant, Maître Ping est là avec l'horoscope chinois. On va écouter Shakira maintenant à 7h18 sur Fun Radio. Whenever, wherever sur Fun Radio. Bon réveil. Tom Hanks arrive dans un instant avec Blessed sur Fun Radio. Il est 7h22. Tous vos messages qui arrivent, je vous rappelle la devinette qui colle. Du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie. Affaires, amour, jours et nuits, tout s'y inscrit précisément. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322, c'est 1€ le message et vous repartirez probablement, j'espère pour vous, avec vos billets d'avion. Voilà, bonne chance tout le monde, on écoutera Tom Hanks, donc comme je le disais, d'ici quelques instants. Et puis, bah ça y est, les anges de la télé-réalité à New York, c'est fini aussi. On va bientôt plus rien avoir à vous passer, c'est vraiment désolant. Oh. Bah oui, toutes les bonnes émissions s'arrêtent là, mais enfin bon. Ah oui, bon. Mais c'est normal. Bah oui, c'est la fin de la saison. Voilà, c'est Noël. Ah, je sais bien. Ouais. Bon, on vous a quand même gardé quelques bons moments des anges, hein, les anges de la télé-réalité. Alors, on pensait que la vie américaine avait changé Mickaël Vendetta. Ce que je retiens, c'est que j'ai aimé une femme. J'aime une femme. Et il y a un avenir avec cette femme. Les anges de la télé-réalité avec Mickaël et Annel, c'est l'amour. Eh oui, c'est l'amour. Oh, mais, alors, c'est beau. On a failli y croire, mais le vrai Vendetta n'est pas mort. Je pouvais pas laisser ma reine faire le ménage toute seule. J'étais obligé que le bon roi Vendetta participe à cette tâche ménagère. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il est bon quand même. Ah hein. Bah oui, ce roi est trop bon. Ah oui, ce roi est tellement Vendetta. Bon. Et surtout quand il parle de sa bien-aimée. Hein. Ah bah oui. Il y a que moi qui est doué, cherche pas chez. Ah. Il n'y a que moi qui est doué, bébé. Et oui, il n'y a que de moi qui est doué. Hein. Oui, non, mais voilà. Ça, oui. Voilà, c'est ça. Bien français, ouais. Mais ça, on avait bien compris. On avait cru l'avoir perdu, mais ça va. Hein. Finalement, il est toujours aussi chiant. Hein. La preuve, quand il faut faire le défi d'embrasser des moches. Ça sert à rien, les face, moches. En face, en face. Les tons, elles n'ont jamais embrassé un mec de leur vie. Moi, ce défi, j'aurais jamais accepté. Bah, c'est un défi qui est ridicule. D'aller voir des tons et de les supplier, les embrasser, ça tue l'image d'un beau gosse. C'est pas possible. Mais ce qui est très fort, c'est que s'il était vraiment beau gosse, je pourrais comprendre. Mais en fait, il est beau, moche, quoi. Donc je comprends pas très bien comment est-ce qu'il. Enfin, ouais. C'est clair. C'est un personnage. Bon, et pour finir cette troisième saison des Anges de la télé-réalité, alors on devrait finir par Kamel l'anglais. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment on dit embrasser avec la langue. On va faire un franchise à New York. Un franchise à New York. Juste arriver à récolter des bisous, bah franchement, t'es fort. Ah oui, un franchise, hein. Voilà. Donc, c'est un French kiss, hein, Kamel, hein. Donc, mais t'étais pas loin, cela dit au passage, hein. Il y avait quelque chose. Ah, c'était peut-être un fromage français qu'il voulait dire. Ah, franchise. Ah oui, peut-être. Ah, voilà, c'est ça, on n'a pas compris. Quand même, c'était, hein. C'était l'odeur de la bouche de la main. Voiture. C'est ça que t'as non, pas t'es pas obligé. Ah non, pas du tout, pas celui-là. On va faire un franchise à New York. Ah non. Un franchise à New York. Un juste franchise. Arriver à récolter des bisous, bah franchement, t'es fort. Ah ouais, t'es fort. Et bah, donc, t'as beaucoup moins, évidemment, en anglais. Hein. Enfin bon. Allez, on écoute Tom Hanks maintenant sur Fun Radio. C'est Blast. Il est 7h24. Bon réveil. Juste après, on file les billets d'avion. Bonne chance. Bon réveil avec Fun Radio, le son d'Explore jusqu'à 9h30. Il est 7h27. Et nous allons accueillir maintenant Jonathan qui est là, 18 ans de Waterloo. Salut Jonathan. Bonjour. Comment vas-tu, Jonathan? Très bien. Bah, tant mieux. Tu fais quoi dans la vie, Jonathan? Je suis routier, là, je roule toute la journée sur la route. Ah ouais, routier quoi, avec un gros camion ou... Non, avec une camionnette. Camionnette, d'accord, ok, très bien. Bon, tranquille. Bon, bah, t'es où, là, actuellement, là? Là, à Mons, pour le moment. À Mons, d'accord, ça va, ça roule bien sur Mons? Ouais, trop bien, pour le moment ça roule très très bien, ouais. Bon, bah très bien, je rappelle qu'on sera en direct de Mons d'ailleurs jeudi, je vous donnerai l'adresse exacte. Mais par contre on attend du monde, surtout des filles ou des garçons, mais de petite taille. Parce qu'on va faire un défi avec une mini qu'on va recevoir. Et il faudra être plus de 26 à l'intérieur de la voiture. Donc ça risque d'être un petit peu rock'n'roll pour battre un record. Donc on vous attendra, c'est dans une salle de sport. Je vous donnerai toutes les infos tout à l'heure. Donc pour les Montois et ceux qui sont dans les environs, on vous attend nombreux jeudi. Donc en direct de Mons pour faire l'émission en direct avec nous. Voilà. Bon, Jonathan, alors, donc toi t'es à Mons maintenant, mais t'es à Waterloo à la base. Tu nous appelais parce que tu as la réponse à la devinette qui colle. Alors, je répète, du début... Attends. Je répète d'abord pour ceux qui débarquent. Du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie. Affaires, amour, jours et nuits, tout s'y inscrit précisément. Qui est-il ? Un agenda. Eh oui, l'agenda, exactement, ouais. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. c'est très pratique. Seul problème, c'est comme quand ça m'arrive assez régulièrement, c'est que j'oublie de noter dans l'agenda. Ah oui, mais ça ne sert à rien. Alors oui, voilà, c'est ça. Pas besoin. Ce qui fait que forcément, il a une fonction très limitée, hein, du coup, forcément. Bon, eh ben Jonathan, il n'y a pas de problème, on va t'offrir tes deux billets d'avion, comme promis, grâce pour fêter les 20 ans de fun qu'on fêtera d'ailleurs à Charleroi. Ce sera le 17 décembre, vous êtes évidemment les bienvenus pour faire la fête avec nous. On te file tes billets d'avion, Jonathan. Merci beaucoup, avec plaisir. J'espère bien que ça fait plaisir. Et puis écoute, bon courage, bonne route, fais gaffe sur la route. Et puis tu reviens quand tu veux, ouais, Jonathan. C'est gentil, merci beaucoup, bonne journée, bonne merci Nicolas. Merci. Bonne Saint-Nicolette, t'as vu, il était généreux Saint-Nicolas avec toi là. Hein. Ah, vraiment très là. Ah, tu bon, m'étonnes. Beaucoup. Hop là, billet d'avion, c'est comme ça, c'est plié. Allez, gros bisous Jonathan, à bientôt. Merci, au revoir. Salut. Et puis les autres, restez bien là, dans un instant je vous... poserai une nouvelle devinette qui colle pour repartir avec d'autres billets d'avion. Voilà, restez bien sur Fun Radio, il est 7h29. Dans un instant, on écoutera Katy Perry avec The One That Got Away. C'est le nouveau single de Katy Perry qui arrive. Mais avant cela, 7h29, c'est l'heure de passer à l'actu maintenant avec July. Bonjour à tous, ça y est, c'est la fin d'une crise qui aura duré un an et demi, la plus longue du monde. Sans surprise, Elodie Rupo est Premier ministre. Il a prêté serment et a présenté au roi son gouvernement hier soir. Le casting ministériel ministériel Di Rupo Ier ne change pas fondamentalement. Il y aura 19 postes au lieu de 22, 13 ministres et 6 secrétaires d'État. Concrètement, 3 ministres conservent leur poste, 7 ministres changent de poste, 1 ministre fait son entrée au gouvernement, Monica de Koning, SPA, ministre de l'Emploi, et 1 ministre fait son retour au gouvernement, Johan van de Lanotte. Les prestations de serment auront lieu cet après-midi à 15h. L'opposition a déjà bien sûr réagi. La NVA fustige un gouvernement obèse et écolo trouve qu'il sonne creux. Ce matin, les chauffeurs de la STIB ont repris le travail à Bruxelles. Plus de perturbations sur le réseau. Par contre, demain, il va falloir prendre son mal en patience. À Liège, le réseau Tech Liège-Verviers sera paralysé. Aucun véhicule ne devrait sortir du dépôt. Les travailleurs tech débraieront en raison de la manifestation syndicale interprofessionnelle en soutien au secteur de la métallurgie. Il est possible que les lignes assurées par des sociétés privées circulent normalement. Ces lignes sont toutefois limitées à la périphérie liégeoise. Cette grève devrait durer 24 heures. Il y a près de 200 délits de fuite chaque jour. Le nombre de délits de fuite qui ont suivi des accidents avec dommages matériels a augmenté de 20% en 4 ans. Il y en a eu un peu plus de 72 000 en 2010. Les délits de fuite précédés par contre d'accidents avec dommages corporels stagnent quant à eux à 4 400 par an, soit une moyenne de 12 par jour. Et dans la moitié des cas, les fuyards seraient âgés de moins de 25 ans. L'Union européenne s'apprête à signer cette semaine le traité d'adhésion de la Croatie qui devrait, une fois ratifié, lui permettre de devenir en juillet 2013 le 28e État membre. Mais l'unanimité semblait en revanche difficile à réunir sur l'octroi du statut de candidat à la Serbie. Et puis l'agence de notation Standard & Poor's a jeté un froid hier. Elle menace d'abaisser la note de 15 pays européens, dont l'Allemagne et la France. En République démocratique du Congo, les résultats des élections pourraient ne pas être dévoilés aujourd'hui. Joseph Kabila est toujours donné vainqueur pour le moment. 20 000 militaires se tiennent prêts en cas de rébellion à l'annonce des résultats. Hier, au quartier Matongé à Bruxelles, environ 300 personnes se sont réunies pour une manifestation anti-Kabila non autorisée. La situation a rapidement dégénéré. Des voitures en stationnement ont été dégradées et des vitrines ont également été endommagées. 7h32 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde dans un instant. Katy Perry avec The One That Got Away. Et puis avant cela, c'est la météo. Est-ce que la météo sera bonne pour Saint-Nicolas justement? Eh bien la météo, c'est tout à fait, enfin c'est comme hier en fait. La journée sera fraîche mais assez calme avec de belles éclaircies sur la Wallonie et quelques averses hivernales du nord du pays au canton de l'Est. Les vents du ouest sera modéré et les températures atteindront 1 à 7 degrés, donc il fait tout de même assez frais. Demain, pluie sur tout le pays. Eh ben très bien, ouais, bonne nouvelle. Tiens, 7h32 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. On va s'écouter Katy Perry dans un instant, comme promis. Nouvelle devinette qui colle également dans un instant. Mais avant cela, nous allons passer immédiatement à l'info en plus. Alors l'info en plus, c'est que bon, on sait que la chirurgie esthétique, beaucoup plus de monde y a recours. C'est un peu devenu banal de se refaire un lifting ou ce genre de choses. Ouais. Alors on sait que la gravité, bah, c'est pas terrible pour les seins, hein, ça tombe, on le sait aussi pour le menton. Et bien maintenant, j'ai appris, moi, en lisant un article, que les lobes d'oreilles se font également faire de plus en plus un lifting. Les parce que, oui, apparemment, quoi. Nos lobes d'oreilles seraient un des indicateurs de notre vieillissement, selon l'Association britannique de chirurgie esthétique. D'accord. Et donc, de plus en plus de corrections de lobes sont réalisées par les chirurgiens, donc ils injectent un petit peu de graisse pour remonter tout ça. Et donc, apparemment, bon, forcément, les filles qui ont les oreilles percées, bah, 50 ans plus tard, elles auront évidemment les lobes bien plus longs et détendus que celles qui n'auront jamais percé leurs oreilles. Mais bon, en tout cas, maintenant vous savez que vous pouvez aussi vous faire un petit lifting du lobe d'oreille. Tout est possible. Bon, bah c'est trop tard pour Saint-Nicolas, mais vous pouvez le demander pour la Noël. Sous le sapin, un petit lifting du lobe d'oreille. Vous avez qu'à demander ça, tiens, au Père Noël. Ça peut être un très bon plan, ça, pour la fin de l'année. Tiens, un petit lifting du lobe d'oreille. 7h33 sur Fun Radio. Nous allons vous poser maintenant cette nouvelle devinette. Donc, d'abord, je voulais savoir ce que vous aviez reçu pour Saint-Nicolas. Je vous avais posé la question à 6h30. Dites-nous, tiens, vous qui êtes connecté, vous qui écoutez là à 7h30, qu'est-ce que vous avez reçu pour Saint-Nicolas? Ou qu'est-ce que vous avez offert? Parce qu'il y en a qui se prennent aussi parfois pour Saint-Nicolas. 3044, vous nous donnez évidemment toutes ces informations. On voit un petit peu comme ça ce que vous avez reçu, ce que vous avez offert. Sinon, la devinette qui colle, signe habituel de réconciliation. Pour Judas, il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Qui est-il? Voilà. Alors, si vous avez la bonne réponse, je vous le rappelle, 6322 par SMS, c'est 1€ le message. Il y a des billets d'avion à gagner à l'occasion des 20 ans de Fun Radio à Charleroi. Donc, signe habituel de réconciliation. Pour Judas, il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. qui est-il? La bonne réponse donc au 63-22. Bonne chance. Et puis on va s'écouter le nouveau Katy Perry maintenant sur Fun. The One That Got Away, c'était le nouveau Katy Perry à l'instant sur Fun. Et puis bon réveil, hein, 7h37 ce matin, là j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en pleine forme pour aller bosser et surtout que vous avez déjà ouvert tous vos cadeaux de Saint-Nicolas qui est venu éventuellement passer. Julie a même mis une petite carotte hein, chez elle, hein, dans son salon au cas où là elle avait faim. Mais Saint-Nicolas est passé pour vous mais pas pour moi. Oh genre bah ouais, oh là genre. Là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Il est passé chez moi pour vous mais oh moi là, là là là là là. Bon, je rappelle la devinette qui colle, signe habituel de réconciliation, pour Judas il fut signe de trahison, on le donne, on le prend. On le reçoit, on le rend. Qui est-il? Greg qui a quand même proposé le crachat. Mais oui, on va le rendre bon, hein, et on le donne avec plaisir. Le pardon, c'est pas ça. La confiance, ce n'est pas ça. Kevin de Bruxelles qui proposait le bisou. Non, c'est pas ça. Le pardon, ce n'est pas ça. L'argent non plus, alors, certainement pas. Alors là, il n'est pas signe de réconciliation l'argent. En général, c'est même plutôt l'inverse. Hein. C'est plutôt le signe de foot de bordel en général quand on en a trop. Bon voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, en tout cas, bisous, n'était pas loin, c'est vrai. Bon, et sinon la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement Saint-Nicolas nous a apporté un cadeau. Eh oui. Énormément de taxes. Donc un nouveau gouvernement. Merci Saint-Nicolas, la prochaine fois il faut obligé de passer. Hein. Donc voilà, donc ça y est, nous avons donc un gouvernement, ça vous le savez, depuis hier c'est plié cette affaire. Et donc pour fêter ce nouveau gouvernement, vous savez que nous ne faisons pas les choses à moitié sur Fun Radio, on aime toujours recevoir, accueillir et faire une fête quand il y a fête à faire justement avec une petite chanson évidemment. Et donc là c'est Sébastien Loeb hein, qui fait les déclarations express, qui s'est collé. C'est la chanson du gouvernement. C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce gouvernement? Ils nous prennent vraiment pour des glands. Attendre plus de 500 jours pour avoir les mêmes qu'avant. C'est quoi ce gouvernement? Maintenant c'est vrai qu'il était temps. Car s'il n'y avait pas eu d'accord, l'Europe nous l'aurait mise dedans. Voilà, depuis hier c'est fait, ouais on est gouverné. Mais après une telle attente, on peut quand même critiquer. Pas grand chose à changer, car les mêmes sont restés. Il faut croire que pendant un an et demi ils ont chômé. Espérons qu'ils arrivent à tenir jusqu'aux élections. Que les Irlandais des lions soient un peu moins légaux. Que les bons d'État fassent émerger l'euro. Et qu'ils ne finissent pas dans les poches de Moreau. C'est quoi ce gouvernement? Ils nous prennent vraiment pour des glands. Attendre plus de 500 jours pour avoir les mêmes qu'avant. C'est quoi ce gouvernement? Maintenant c'est vrai qu'il était temps. Car s'il n'y avait pas eu d'accord, l'Europe nous l'aurait mise dedans. C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce gouvernement? Et voilà, nouvelle chanson du gouvernement, donc hein, pour le gouvernement. Voilà. Est-ce que vous l'avez aimé? Vous nous le dites, vous voulez qu'on la remette? Avec plaisir, évidemment. À 7h40, on la remettra tout à l'heure si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, on vous la mettra également à dispo sur le site, en fait, tout simplement, sur mikael.fm, sur les blogs et sur le Twitter également, mikael officiel. Voilà, bon, ben, ça va, Julie, c'était bon? Oui, c'était très bien. Oui, j'ai pas pu vérifier paroles avant. Oui, bah, bon, c'était un peu. Non, bon, c'était là, pas mal. Là, c'est bon pour le coup. Allez, restez sur Fun Radio dans un instant, nous allons parler de l'infotrafic, il y aura la ligne anti-relou également, et à 7h41 on en verra dans un instant de Wanted. Avec Glad You Came sur Fun Radio. Bon réveil et bonne Saint-Nicolas tout le monde. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. À 7h46, on vous réveille. Ouais, d'ailleurs, bonne matinée, bon réveil si vous sortez du lit d'ailleurs. Et puis bon courage ceux qui sont sur la route. Et en parlant de route, qu'est-ce qui se passe déjà sur la route justement? Accident sur le 411 Luxembourg, Namur, Bruxelles à hauteur de Bierge. C'est donc bien en direction de Bruxelles. La bande de gauche est obstruée, circulation fortement ralentie. Donc au partir du kilomètre 16.6. Accident sur le 17 en Verse en direction de Gand à hauteur de Locoronne. Une équipe est en route. route, c'est à hauteur de la sortie, donc Lokeren. Et puis, un camion en panne sur le ring extérieur de Bruxelles, à hauteur de Wemel, en direction de Grand-Billard. Très bien, bah, bon courage si vous êtes sur la route. Effectivement, vous n'êtes pas prêt à l'arrivée, a priori. Hein. Enfin, ça dépend où vous vous trouvez. Mais en tout cas, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas à nous le signaler pour faire jouer la Fun Solidarité. Vous envoyez simplement le problème qu'il y a sur la route au 3044 ou alors sur mon mail, michael@funradio.be. 7h47. Dans un instant, la ligne anti-relou et on écoute The Wanted maintenant. C'est Glad You Came. The sun came. 7h49 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio. Les meilleurs messages des mecs les plus relous, en fait, tout simplement. Même des filles, car il y en a aussi, des filles reloues, qui ont laissé leur message sur le. Sans le savoir, évidemment, sur le 0-473-86-00-13. Numéro de la ligne anti-relou qui est à votre disposition pour vous débarrasser de tous les relous que vous pouvez croiser, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans un magasin par exemple, que ce soit en soirée également, ou même en rue, dans le métro, bref, n'importe où. Retenez le numéro 0-473-86-00-13. On écoute le premier de Storcy. Oui, bonsoir. Oui. Ludovic à l'appareil. Oui. Je m'avais donné rendez-vous sur le parking du Carrefour de Beaumarais. Oui. Ça fait une demi-heure que j'attends. Je n'arrive pas toujours à... J'aimerais savoir quoi, car j'ai nettoyé mon sexe pour ce soir. Nettoyer mon sexe pour ce soir. Mais c'est horrible. Parce que d'habitude, il faut savoir qu'il est dégueulasse. Ah ouais, si t'en as pas l'usage, tu le laves pas. Oh l'horreur. C'est affreux. Mais lui, il peut faire peur. Hein. Enfin, il fait peur. Hein. Il peut pas, il fait peur, c'est évident. Oh mon dieu. Bon, deuxième message. Salut, c'est Véro. Je suis devant le l'IDIN. Oui. Tu me rappelles ? Mais écoute, parce que j'aimerais bien me faire prendre à l'hôtel. Non, mais c'est surtout qu'à mon avis, là, c'est pense que c'est mort, là, à un moment. Hein. C'est plié, c'est terminé. Hein. Bon, troisième et dernier message. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça fait 30 fois que je t'appelle, tu réponds jamais. Je comprends pas. J'en ai marre. Ciao. Bisous. Ciao, bisous alors. Hein. Mais oui, très belle façon de parler. Ah, ouais, je comprends pas, j'en ai marre. Ah oui, la grande classe, c'est la grande classe. Bon, ouais, si t'appelles 10 fois et que t'as pas de nouvelles en moi. Bah, c'est ça. 7h51 sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle. Signe habituel de réconciliation. Pour Judas, il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Qui est-il? Ce n'est pas le pardon. L'accolade, c'est Françoise. Non, c'est pas ça. La parole, ce n'est pas ça non plus. Françoise qui propose également le câlin. Ce n'est pas la bonne réponse. Si vous l'avez, la bonne réponse, c'est pas le respect, Richard, ce n'est pas la grâce non plus, ce n'est pas un repas, c'est Renaud qui avait proposé ça. Galéré un peu ce matin, hein. Ce n'est pas l'amour, c'est Jonathan qui avait envoyé ça, ce n'est pas le pain non plus, ce n'est pas le jugement. Ah ouais, vous êtes bien à côté ce matin. Quelques bonnes réponses, mais rares quand même. Si vous avez la bonne réponse, de manière vulgaire, ça veut dire également faire l'amour. Mais de manière très vulgaire. Hein. Très. Voilà, c'est ça. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance. Puis on va s'écouter le son de Timbaland maintenant avec Pitbull. Bah, comme d'habitude au final, hein. Pitbull est toujours là d'ailleurs. Et bon plan, c'est pas cette mille. Timbaland sur Fun Radio avec Pitbull. Pas cette mille. Il est 7h54. Bon réveil. Il y a l'info de Julie qui va arriver d'ici quelques instants. Comme d'habitude, évidemment, à 7h avec la météo, l'info également. L'info en plus. Et puis le remboursement de vos factures. Tiens, 63-22, si vous voulez vous inscrire pour le remboursement de vos factures. Vous pouvez y aller dès maintenant, évidemment. On appellera dans un gros quart d'heure. Je vous rappelle également qu'étant donné que personne n'a décroché à 7h10, on ne sélectionne que ceux qui se sont inscrits entre 7h10 et 8h10. Donc bonne chance. 63-22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bon allez, on appelle encore une fois pour Saint-Nicolas là, puisque t'offres depuis ce matin, et bien appelle des gens au hasard pour leur demander ce qu'ils ont reçu pour Saint-Nicolas. Bah oui, c'est surtout parce que moi j'ai été oublié, je n'ai pas eu mon cadeau. Oui, c'est vrai. Et je suis déçu. C'est vrai, c'est vrai. Déçu alors que j'avais demandé un truc simple, une voiture. Bah oui, ah bah tiens, bah oui. Tu n'as pas été sage, mais c'est oui, tout. En toute simplicité. Mais bon, si, j'ai été sage. On va appeler à Estimbourg. Oui, allez. C'est par là. Bah c'est par là, on y va. C'est parti, on appelle, on va vérifier si Saint-Nicolas est bien passé chez eux. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si Saint-Nicolas était passé chez vous. Pourquoi vous téléphonez pour ça? Ben, parce que, en fait, j'attendais un cadeau et je ne l'ai pas reçu, alors je me disais que peut-être il était chez vous, qu'il s'était trompé. Ah non, attendez, vous téléphonez à qui, là? Ben, à vous. Moi, je ne suis en charge de rien par rapport à un cadeau qu'il faut envoyer chez vous. Ah ben non. C'est-à-dire que je me disais que peut-être Saint-Nicolas, il était passé chez vous et qu'il avait laissé mon cadeau chez vous parce qu'il s'est trompé. Vous savez, à son âge, ça arrive. Vous téléphonez d'où? Bah de chez moi. Bon, bah écoutez, vous m'avez réveillé, laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Hein. Bah oui, mais vous m'avez pas dit pour Saint-Nicolas, alors? Non, il a pas l'air ouvert. Tu veux directement, il a pas... Je suis pas en charge de... Je ne comprends pas. Mais on oui, essaie de pas de m'escroquer quand même encore, hein. Qu'est-ce que vous me voulez? Bon, on va le rappeler. Allez, hop, c'est parti. Allô? Oui, mais vous m'avez pas dit alors s'il était passé. Mais ça va durer longtemps, ce gag. Bah, non, monsieur, si vous... Dites-moi s'il est passé. Qu'est-ce que c'est que ce gag? Vous pouvez... Vous avez quel âge, vous? Moi, 30 ans. Je pense qu'il vaut peut-être mieux devenir adulte à un moment donné plutôt que de téléphoner chez les gens et les emmerder. Je crois que franchement, je vois pas le sens de votre coup de téléphone, si ce n'est le sens d'un gag. Mais je crois qu'il faudrait peut-être arrêter avant qu'il soit trop tard, parce que ça commence à m'énerver. Mais oui, mais enfin, moi, je vous demande juste si Saint-Nicolas, il est passé chez vous et qu'il a peut-être laissé mon cadeau, comme ça, je viendrai le chercher. Vous pouvez parler plus fort, monsieur, quoi, ce serait bien. Ça fait un quart d'heure que vous menez en bateau avec un truc de Saint-Nicolas. Non, mais... peu, soyez réfléchi. Vous téléphonez d'un asile ou quoi, là? Pas du tout, monsieur. Écoutez, essayez d'être sensé dans votre vie, je pense que ce sera mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, on arrête ici, et au revoir. Et au revoir. En tout cas, très poli, le monsieur, hein, de ce côté-là. Très classe. Ah oui, là, il n'y a rien à dire. Vous appelez d'un asile? Mais oui, vous êtes d'un asile. Bon, on rappellera d'autres personnes tout à l'heure, 7h57 sur Fun Radio. C'est Tal et Sean Paul qu'on écoute maintenant avec Waya Waya. Bon réveil sur Fun. C'était le nouveau Sean Paul avec Tal à l'instant sur Fun Radio. C'est sa fille protégée d'ailleurs, faut le savoir ça. Dans un instant, le remboursement de vos factures. 6322 code facture. Je vous explique dans un instant en détail comment ça va se passer. Et puis un message qui disait aussi Sarkozy sort de ce corps. Oui, c'est par rapport au mec qu'on a appelé tout à l'heure là. Oui, au revoir monsieur, hein. Vous c'était sortez d'un asile, oui. S'il vous plaît, quand même. Qu'est-ce que pauvre con, hein. Un petit peu quand même. Bon, je vous rappelle également la devinette qui colle. Ça c'est pour gagner vos billets d'avion qu'on vous offre à l'occasion des 20 ans de Fun Radio, qu'on fêtera à Charleroi d'ailleurs le 17 décembre. Vous êtes évidemment les bienvenus pour faire la fête avec nous, puisque si on est encore là, c'est grâce à vous évidemment. Et écoutez bien la devinette. Signe habituel de réconciliation pour Judas. Il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Qui est-il? Bon, c'est un petit peu le French kiss. Voilà, on peut voir ça comme ça, mais bon, sans la langue, quoi. On va dire ça comme ça. Un autre indice éventuel à vous donner? Mouah. Voilà, Tarkan. Non, presque. Oui, oui, c'est, voilà, vrai, c'est ça. Ouais. Bon, la bonne réponse au 6322, c'est 1€ le message et vos billets d'avion qui sont à gagner dans quelques minutes. Dans quelques minutes également, le son de Cobra Starship. Avec You Make Me Feel sur Fun Radio. Il est 8h pile, c'est l'info qui arrive dans 10 petites secondes. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Estérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. C'est l'heure de l'info maintenant à 8h01 avec Julie. Bonjour à tous, c'est la fin d'une crise qui aura duré 1 an et demi, la plus longue du monde. Sans surprise, Elio Di Rupo est Premier ministre. Il a prêté serment et a présenté au roi son gouvernement hier soir. Le casting ministériel Di Rupo Premier ne change pas fondamentalement. Il y aura 19 postes au lieu de 22, 13 ministres et 6 secrétaires d'État. Concrètement, 3 ministres conservent leur poste, 7 ministres changent de poste. Une ministre fait son entrée au gouvernement, Monica de Koning, SPA, ministre de l'Emploi, et un ministre fait son retour au gouvernement, Johan Van Delanotte. Les prestations de serment auront lieu cet après-midi à 15h. L'opposition a déjà réagi. L'ANVA fustige un gouvernement obèse et écolo trouve qu'il sonne creux. Ce matin, les chauffeurs de la STIB ont repris le travail à Bruxelles. Plus de perturbations sur le réseau. Par contre, demain, il va falloir prendre son mal en patience à Liège. Le réseau Tech Liège-Verviers sera paralysé. Aucun véhicule ne sortira du dépôt. Les travailleurs tech débrayeront en raison de la manifestation syndicale interprofessionnelle en soutien au secteur de la métallurgie. Il est possible que les lignes assurées par des sociétés privées circulent normalement. Ces lignes sont toutefois limitées à la périphérie liégeoise. Cette grève devrait durer 24 heures. Il y a près de 200 délits de fuite. Chaque jour, le nombre de délits de fuite qui ont suivi des accidents avec dommages matériels a augmenté de 20% en 4 ans. Il y en a eu un peu plus de 72 000 en 2010. Les délits de fuite précédés d'accidents avec dommages corporels cette fois stagnent quant à eux à 4 400 par an, soit une moyenne de 12 par jour. Et dans la moitié des cas, les fuyards seraient âgés de moins de 25 ans. Standard & Poor's a placé sous surveillance négative 15 pays de la zone euro et le coup près se rapproche pour les 6 pays de la zone euro notés AAA. L'agence d'évaluation financière pourrait baisser la note allemande d'un cran et celle de la France de 2 crans. L'agence a justifié son annonce par sa conviction selon laquelle les tensions systématiques dans la zone euro ont augmenté ces dernières semaines et jusqu'au point de faire pression à la baisse sur le degré de solvabilité de la zone euro dans son ensemble. En République démocratique du Congo, les résultats des élections pourraient ne pas être dévoilés encore aujourd'hui. Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. 20 000 militaires se tiennent prêts en cas de rébellion à l'annonce des résultats. Hier, au quartier Matonga à Bruxelles, environ 300 personnes se sont réunies pour une manifestation anti-Kabila non autorisée. Des voitures en stationnement ont été dégradées et des vitrines ont également été endommagées. 8h04 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, Cobra Starship avec Sabi. Ce sera You Make Me Feel. On vous explique et je vous expliquerai dans un instant comment vous faire rembourser vos factures. Ça arrive après la météo. Journée assez calme aujourd'hui. Ben, un petit peu la même journée qu'hier. Belles éclaircies sur la Wallonie et quelques averses hivernales du nord du pays au canton de l'Est. Température toujours assez fraîche, de 1 à 7 degrés. Par contre, demain, pluie sur tout le pays. Très bien. Eh ben, bonne nouvelle. Voilà, c'était pour Saint-Nicolas. Ouais. Le ciel était dégagé aujourd'hui pour qu'il puisse atterrir. 8h04 sur Fun Radio. Dans un instant, l'info en plus et je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il y a Mickaël qui nous signale également un embouteillage, un accident un peu après la sortie 5 Bierge-Rixensart sur la E411. Donc faites attention si vous êtes sur place, hein, évitez l'endroit dans la mesure du possible évidemment. Et si les autres, vous aussi, vous êtes témoin d'un problème sur la route, pareil, n'hésitez pas à nous le signaler en nous envoyant un petit message au 3044 par SMS ou alors sur mon mail également en envoyant simplement un mail sur mikael@funradio.be. Dans un instant, le remboursement de vos factures, je vous en avais parlé, ça va arriver dans 4 minutes pour être précis, on appellera chez vous pour vous rembourser votre facture. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture, comme là, 40€ pour une femme de ménage, 72,50€ pour l'épargne pension, 125€ pour des pièces moteurs voiture, 40€ pour la cotisation des scouts, 140€ pour la Saint-Nicolas de ma fille, c'était une oui, 68€ pour une amende de voiture, qu'est-ce qu'il y a également, 40€ pour un pull, pour un cadeau d'anniversaire, 148€ pour un pack paintball, 100€ pour des frais d'hôpitaux pour un accident sportif. Bref, si vous voulez qu'on vous appelle dans un instant en direct, il faut s'inscrire forcément. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Quelle est l'info en plus? Alors, une info en plus qui ne concerne pas vraiment Toff ce matin, vu les kilos de bonbons qu'il a déjà ingurgités. Ah ouais, c'est clair. Saint-Nicolas. En fait, les aliments light pourraient bien nous faire prendre du poids plutôt que nous. Les aliments light. Tu dis ça? Eh bien, écoute, c'est un aliment qui se dit plus léger. Hein, ah, qui n'a pas de graisse. Hein. Ah, vous connaissez pas. Tu ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Beaucoup de filles savent de quoi je parle, et même beaucoup de garçons. Eh bien, en fait, il nous ferait prendre du poids plutôt que de nous en faire perdre, d'après certains scientifiques. C'est bien la peine. Ce sont des chercheurs américains qui ont fait cette découverte. C'est qu'en fait, les aliments normaux, le goût de la graisse ou du sucre, eh bien, informe notre corps de ce qu'il ingurgite. Et donc, du coup, notre corps décide de faire chauffer la machine pour brûler les calories. Par contre, les aliments light, qui n'ont pas vraiment de goût, ou en tout cas beaucoup moins, il n'y a aucun message qui est envoyé au corps. Donc, du coup, le corps est perturbé, ce qui pourrait faire l'effet contraire et nous faire prendre du poids et surtout nous faire manger plus en fait. Moralité, Giant, Frites, oui, Coca, mange. Full sucre, mayonnaise, dessert, manger, manger et qui livrer, mais manger de tout. Voilà. Ouais, c'est ça, et à Bondorum, tu vois, ça peut être bien. Bon, message qui est arrivé, bisous à toute l'équipe, pas beaucoup de chance, mais quand je vous écoute, vous remontez le moral, c'est Karine de Marcinelle, bisous, bisous à toi aussi, Karine, et bonne matinée, pareil. Oui, si bon. Je peux te remonter le moral, mais n'hésite oui. pas. On n'en doute pas, Toff, quelle bonté quand même en ce jour de Saint-Nicolas. Ah, le sens hein. du sacrifice, non, c'est ça. Évidemment, moi je sais ce que c'est le sacrifice. Mais oui. Allez, 8h07 sur Fun Radio, c'est Cobra Starship qu'on écoute maintenant avec Sabi, You Make Me Feel, juste après le remboursement de votre facture, je vais y arriver. Et dans moins de 20 minutes, on vous paye vos billets d'avion avec la devinette qui colle sur Fun Radio. Bon réveil. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, tous les matins, on rembourse vos factures. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est 1€ le message et on vous appelle tous les matins pour vous rembourser votre facture. Et alors, on va le temps de composer le numéro de téléphone. Je vous annonce qu'on sera en direct de Mons chez Power Gym. On va faire un peu de sport, tiens, ça fera du bien, Toff. Mais oui, on va pédaler. Voilà, donc si vous voulez venir nous rejoindre, c'est 69 rue de Nimy à Mons. On vous attend nombreux car il y aura un défi à faire avec nous et avec vous aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vous attend nombreux. Surtout si vous êtes petit. petit. Ouais, petit ou petite, on vous attend vraiment avec impatience parce que le but en fait c'est d'arriver, on va recevoir une mini Cooper à prêter et le record à battre c'est 26 dans la mini, donc faut être 27. Voilà, si on arrive à être 27, on aura battu le record. On compte sur vous si vous voulez nous aider à battre ce record. Venez donc nombreux chez Power Gym, 69 rue de Nimy à Mons. Donc on vous attend avec impatience, on sera en direct de Nimy, en direct de Mons. Et bien jeudi entre 6h et 9h30, on vous attend nombreux. Allez, c'est parti, on appelle maintenant pour le remboursement d'une facture. On appelle je ne sais où, mais en tout cas on appelle, c'est le principal. Et si la personne décroche, c'est gagné. Enfin, il répond à la question, ça tombe sous le sens. Alors. Ah bon, on va quand même pas. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Elle ne vous dérange bonjour. Pas ? Non, dites-moi. Bon, dites donc, je vous appelle pour savoir qui paye les factures le matin. C'est Fun Radio. Mais oui. Mais oui, Fun Radio. Eh ben voilà. Dis donc, comment tu t'appelles? Maria. Oh Maria. Oh Maria. Oh, plaisir, oh, Maria. Tu es dans quelle ville, Maria? Ben, j'habite à Rebec, mais je travaille à Zélic pour le moment. Rebec, Zélic, en plus, tu dois pas galérer hein, pour le transport. Tiens, au niveau des embouteillages, t'es au top. Ça va encore. Ah ben, ça dépend de l'heure à laquelle tu commences, évidemment. Bon, Maria, on va te rembourser ta facture. T'avais fait une demande pour rembourser, c'est combien? 40 euros, je crois, c'est ça, non? Je sais plus. 44 euros. 44 euros, c'est pour quoi? C'est pour une chemise que j'ai achetée pour mon mari pour ses fêtes. Ah bah ben, pour les fêtes, ben voilà, le remboursement est fait. Comme ça, tu vas pouvoir t'acheter une chemise pour toi aussi, tiens. Merci beaucoup. Voilà, une pierre de coups comme ça gratuitement, ça fait plaisir. Eh ben voilà, Maria, écoute, content que ça te fasse plaisir. Je te fais des gros bisous, Maria. Tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées, on va tout expliquer, d'accord? Ah ben, merci beaucoup. Oh, gros bisous, Maria. Pas, Maria. C'est pas grave. Monsieur normal. Allez, gros bisous, Maria. Reste là. Maria, on t'aime. À tout de suite, oui. Maria. Ciao. Bon, et vous aussi, si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, comme Maria, facile. 6322, débutez le message par facture. On remet le couvert une dernière fois à 9h10. Soyez bien là. Dans un instant, il y aura l'horoscope de Maître Ping, puisque Doudou est malade, donc c'est Maître Ping qui fera l'horoscope chinois dans un instant, hein. Ça changera comme ça, hein. Et puis il y a le son de Licky Lee qui arrive aussi. I Follow Rivers, ça arrive dans un instant sur Fun Radio. C'est nickel à la radio, sur Fun Radio. Licky Lee à l'instant sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, l'horoscope comme chaque matin. Et comme Doudou est malade ce matin, c'est Maître Ping, le restaurateur chinois là, qui est pas loin de la radio, qui le remplace. Donc, hein, c'est ça. Hein. Vous m'entendurez en bas de tête tuitinois, tata, non, mais enfin. Bah, attendez, c'est bon. Non, tata, vous m'avez laissé pas parler. Tout, là. C'est bon, ça va. Bon, alors, voilà. On va commencer avec l'horoscope, hein. Alors, oui, parce que forcément, c'est horoscope chinois, donc les rats. Les rats, oui. Alors, en affaire, la chance sera de votre côté avec cet aspect de l'astre Feng Kao. D'accord, les buffles. L'astre Mao-Duc réveillera à votre. Réveillera à vous voir. Veillera. Oui, Teta, pardon, veillera et pas réveillera. Oui. Si tu n'arrivais pas à me relire, c'est les caractères chinois, c'est difficile. Ouais, ça doit être ça. Bon, alors, recommencez les buffles. Donc, l'astre Mok-Duk veillera à vous voir enfin réaliser quelques-unes de vos ambitions professionnelles les plus chères. Les tigres. Alors, si vous avez des ennuis d'argent, l'astre, Tianfuk, en bonne position dans votre ciel, vous offrira de nombreuses possibilités pour vous en sortir. Le chat. Vous serez en forme et pour cause, serait l'astre Haoting. Le concentré d'énergie du ciel qui va prendre les commandes de votre secteur santé. Les dragons. Vous vivrez cette journée dans une ambiance plus détendue et vous aurez le sentiment de mieux profiter de votre liberté. Les serpents. L'astre Tianqi, mal aspecté hélas. Il vous sera difficile de résister à l'envie de faire des scènes de jalousie. Le cheval. Le pauvre. Oulala, le cheval. L'astre Kumo et Oakai, bien placés dans votre ciel, vous permettront de vous rapprocher de votre partenaire. Le bouc. Cet aspect de l'astre Vankuk pourra vous jouer des tours aujourd'hui. Ce ne sera pas le bon moment pour prendre des risques sur le plan financier. Gardez vos sous. Le singe. Le présent impact planétaire pourrait vous causer quelques difficultés dans le travail aujourd'hui. Les coqs, comme moi, tiens. Oui, c'est vous aussi. L'astre Oalok vous rendra exagérément optimiste dans votre métier et vous incitera à tout estimer les difficultés. Le chien. Quel soulagement. Débarrassé de l'influence perverse de l'astre Feng Kao, vous recommencerez à jouir d'une excellente santé. Et enfin, les cochons pour terminer. Pour les solitaires, c'est la présence de la planète Bacho dans leur ciel qui va marquer le début d'une période particulièrement faste côté cœur. Très bien, merci Maître Ping, on vous retrouve tout à l'heure puisque notre ami Doudou est malade ce matin. Oui, bien sûr, mais Dieu le toigne avec de la verveine. Au revoir, à tout à l'heure Maître Ping. Bien sûr, bien sûr. Allez, on écoute maintenant la devinette qui colle, vite fait, je vous la rappelle une dernière fois pour repartir avec vos billets d'avion, signe habituel de réconciliation. Pour Judas, il fut signe de trahison, on le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, l'indice, Julie, peut-être? Non. Non, très bien. Alors, c'est la version. Non, mais alors, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé. C'est pour ça qu'elle ne donne pas l'indice. C'est parce que quand elle ne trouve pas, elle donne pas l'indice. Alors, c'est ça le problème. C'est moi. Ouais, mais ça, Sof l'avait déjà fait tout à l'heure. Hein. Ah, bah, parce qu'il me l'avait piqué. Ah, bah, ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. Bon, 63-22, si vous avez la bonne réponse, donc c'est 1€ le message. Il y a vos billets d'avion gratuits. Bonne chance. 8h20, on écoute le son de Tupac maintenant. C'est California Love sur Fun Radio. Bon réveil. À l'instant sur Fun Radio California Love, il est 8h23, bon réveil tout le monde, j'espère que vous passez une bonne matinée, vous avez reçu plein de trucs pour Saint-Nicolas là ce matin, dites-nous d'ailleurs si vous avez reçu quelque chose, 3044 par SMS ou alors vous envoyez votre petit mail aussi sur mikael@funradio.be et nous allons passer immédiatement à la déclaration express. Et oui, déclaration express maintenant, c'est avec Steve qui est là. Salut Steve. Salut Mike, salut tout le monde. Comment vas-tu Steve? Ça va, ça va. C'est bon, ah bah oui, on va plutôt bien aussi, nous, hein, tranquille, hein, plutôt une bonne matinée là qui a démarré. Alors, Steve, tu as 23 ans, tu appelles d'où? De Liège. De Liège, parfait. 99 FM pour écouter Fun Radio à Liège. Et alors, nous allons faire une déclaration express. On va appeler Tiffany. C'est qui Tiffany pour toi? C'est ta copine, ta future copine? Future, d'accord. Tu l'as rencontrée quand? Il y a un mois. Il y a un mois, d'accord. Et donc, tu voudrais lui faire ta demande, quoi? Oui. Ok, eh ben écoute, on va y aller. T'as déjà essayé un moment ou un autre? Comment tu sens le truc là? Bien, mal, tu sais pas? Ouais, je me sens bien. Tu le sens bien? Bon, allez, c'est parti, on y va. On appelle Tiffany, elle a 20 ans et ça ne marche pas. Alors, une seconde, ne bouge pas de là. Nous allons donc la rappeler. Voilà, ça y est. Bon, tu lui dis, voilà, j'ai un truc à te dire et puis nous on dégaine derrière, d'accord? Oui. Allez, vas-y. Et parle un petit peu plus fort, s'il te plaît, Steve. Allez, Tiffany. Pas un répondeur, hein, ce serait cool. Allô? Allô? Allô? Oui. C'est Steve. J'ai un truc à te dire. Écoute. Baby. Je squattais la ville. Au feu rouge, je suis tombé sur toi. Tu m'as dit, arrête de rouler comme un imbécile. Laisse-moi passer, roule pas sur moi. Je t'ai dit, attends un peu, laisse-moi ton numéro de portable. Tu m'as répondu que de toute façon, les gros comme moi t'intéressent pas. Qu'un gars comme moi chez toi squattera, videra ton frigo et puis se cassera. Je n'accepte pas que tu puisses me dire tout ça, j'ai quand même pas le bidalo, Anna. Mais le truc c'est que t'as déjà un gars, il a déjà touché ton derrière, moi ça me rend la main. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu quittes ce gros blaire, tu viennes avec moi vivre chez ma mère. Si tu viens avec moi, tu regretteras pas, baby. Ouais, quand je m'occuperai de toi, baby. En soirée ou en journée, je ferai le loup. Je te mettrai les mains aux fesses, mais comme tu ne veux pas. Au-delà du fait qu'on est que des potes, je vais rentrer chez moi, me poser sur ta page Facebook en m'attendant tes photos, comme un dingo. Surtout celle où t'es en maillot. Et ben voilà cette petite déclaration express. C'est oh, c'est mignon. Mais oui, moi j'ai beaucoup aimé. Mais oui, qu'est-ce que tu en as pensé, Tiffany? J'ai beaucoup aimé le touche tes fesses. Hein? C'est mignon. C'est spécial, je pense que c'est le mot que tu cherchais. Hein, spécial. Particulier également. Mot compte double. Surprise. Tu m'étonnes. Bon, bah Tiffany, concrètement, il aimerait bien éventuellement sortir avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais peut-être en parler en privé, ce serait mieux. Ah, ouais, ok, d'accord. Elle n'a pas l'air complètement fermée. Oui, mais enfin, quand tu dis parler en privé, c'est qu'en général, t'es pas complètement ouverte non plus. Hein. Non, voilà. C'est parce qu'elle peut pas le dire à l'antenne, parce qu'il y a son mec qui écoute. Oui, c'est ça. Il y a son autre mec qui écoute. Bah, évidemment, évidemment. Ouais. Bon, eh ben écoute. Il n'y a pas de problème, Tiffany. Steve, t'inquiète pas, la prochaine, ça sera la bonne, va. Ouais, ok, pas de problème. Bon, allez, gros bisous à tous les deux, à bientôt. Merci. revoir. Tiens, en même temps, faire une déclaration d'amour sur Booba, je suis désolé, ça ne peut jamais marcher. Hein. C'est. Ouais, j'y vais, mon quand tu vois, quand tu sais, je suis comme ça. Je comprends pas ce qu'il raconte. Je te mets la main aux fesses, tu vois ce que je veux dire. Oh, c'est ça, c'est nul sur Booba, c'est dingue, c'est dingue. Tiens, Stéphanie qui dit moi, j'ai rien reçu pour Saint-Nicolas. Un grand merci pour le smartphone. Maxime est super content. C'est Julie qui avait joué pour son fils, bah tant mieux. Non, rien de Saint-Nicolas parce que j'ai un patron super radin. Qu'est-ce qu'il y a également ? Tiens, si jamais je viens demain, jeudi, à Mons pour vous rejoindre pour le défi, est-ce que je peux faire une photo avec vous ? Bah, évidemment que je peux faire une photo avec lui, ça tombe sous le sens. On aura même des photos nues avec Julie. Mais bien sûr, évidemment. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle est Jim Classy Rose, également Stereo Earth sur Fun Radio. Ne bougez pas. Fun. Nickel à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Exactement, et dans un instant donc Jim Class Heroes avec Adam Levine. Ce sera Stereo Earth. Et alors très brièvement, Kevin qui est avec nous maintenant pour la réponse à la devinette qui colle. Salut Kevin. Salut. Comment vas-tu Kevin? Ça va et vous? Mais ça va bien. Dis-moi, 8h30, tu as la réponse à la devinette qui colle. Signe habituel de réconciliation. Pour Judas, il fut signe de trahison. On le donne, on le prend, on le reçoit, on le rend. Qui est-il? Le baiser. Mais oui, c'est une bonne réponse. Bravo Kevin. Grâce à ça et grâce aux 20 ans de Fun Radio qu'on fêtera à Charleroi le 17 décembre, tu repars avec tes deux billets d'avion, Kevin. Ah. Super, merci. Eh ben voilà, mais je t'en prie, écoute, avec grand plaisir. Kevin, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées dans un instant, d'accord? Ça va, merci. Allez, à tout à l'heure. Ah bah ça fait plaisir, c'est hop là, un petit billet d'avion qui part encore, tiens, enfin deux en l'occurrence. On remet le couvert dans un instant avec un invité mystère. Il y aura encore aussi pour gagner une tour Lenco Hightech. Aussi encore une petite devinette qui colle. Donc restez là, on va faire ça dans un instant. Mais d'abord à 8h30, c'est l'info avec Julie. Bonjour à tous, ça y est, c'est la fin d'une crise qui aura duré un an et demi, la plus longue du monde. Sans surprise, Élie Du Rupot est Premier ministre. Il a prêté serment et présenté au roi son gouvernement hier soir. Le casting ministériel Di Rupo au premier ne change pas fondamentalement. Il y aura 19 postes au lieu de 22, 13 ministres et 6 secrétaires d'État. Concrètement, 3 ministres conservent leur poste, 7 ministres changent de poste, une ministre fait son entrée en gouvernement, Monica de Koning, SPA, qui sera ministre de l'Emploi, et puis un ministre fait son retour au gouvernement, Johan Van Delanotte. Les prestations de serment auront lieu cet après-midi à 15h. L'opposition a déjà bien sûr réagi, la NVA fustige un gouvernement obèse et Écolo trouve qu'il sonne creux. Ce matin, les chauffeurs de la STIB ont repris le travail à Bruxelles, plus de perturbations à craindre sur le réseau. Par contre, demain, il va falloir prendre son mal en patience à Liège. Le réseau Tech Liège-Verviers sera paralysé. Aucun véhicule ne devrait sortir des dépôts. Les travailleurs tech débrayeront en raison de la manifestation syndicale interprofessionnelle en soutien au secteur de la métallurgie. Cette grève devrait durer 24 heures. En janvier 2011, Belgacom augmentera de 3,41% certains tarifs de téléphonie fixe et mobile ainsi que pour l'internet fixe. Cela correspond à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation entre octobre 2010 et septembre 2011, explique l'entreprise. Aujourd'hui, 6 décembre, j'espère que Saint-Nicolas est passé chez vous. Le Grand Saint qui a fait lui aussi des économies. Eh bien oui, les cadeaux de seconde main connaissent un intérêt croissant auprès du public, tandis que tablettes et smartphones, véritable phénomène de société encore tout récent, figure en tête de liste des cadeaux les plus prisés. Standard & Poor's a placé sous surveillance négative 15 pays de la zone euro et le coup près se rapproche pour les 6 pays de la zone euro notés AAA. L'agence d'évaluation financière pourrait baisser la note allemande d'un cran et celle de la France de 2 crans. L'agence a justifié son annonce par sa conviction selon laquelle les tensions systématiques dans la zone euro ont augmenté ces dernières semaines, jusqu'au point de faire pression à la baisse sur le degré de solvabilité de la zone euro. En République démocratique du Congo, les résultats des élections pourraient ne pas encore être dévoilés aujourd'hui. Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. 20 000 militaires se tiennent prêts en cas de rébellion à l'annonce des résultats. Il est 8h33 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Jim Class Heroes arrive dans un instant et la météo de suite. Bien, la journée sera assez calme. En fait, c'est un petit peu la journée comme celle d'hier. Belles éclaircies sur la Wallonie et quelques averses hivernales du nord du pays au canton de l'Est. Température encore assez fraîche, hein, de 1 à 7 degrés demain, pluie sur tout le pays. Et quelle bonne nouvelle, tiens. Dans un instant sur Fun Radio, j'ai encore des billets d'avion à vous offrir. Pour ça, on jouera évidemment à... L'invité mystère qui va arriver d'ici quelques instants. Vous le savez maintenant vers 8h30. Avant ça, c'est bien sûr l'info en plus. Quelle est l'info en plus ? Alors, rester vierge est de plus en plus populaire chez les jeunes. Mais oui, moi-même, je me préserve. Alors, il y a une télé-réalité qui va bientôt arriver, qui s'appelle Virgin Diaries, qui fait déjà parler d'elle, parce qu'on a vu quelques extraits, c'était quand même assez fort. Hein. Ça met en scène la vie de jeunes adultes encore vierges. Et donc, il y a en même temps le Centre National des Statistiques de la Santé qui a dévoilé que la virginité serait de plus en plus répandue chez les 15-24 ans. 27% des jeunes garçons et 29% des jeunes filles de cet âge disent ne pas encore avoir fait l'amour. Ah ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qui se répand. Ah, c'est comme Toff, il est encore vierge. Mais complètement. Mais Toff ne l'a pas choisi, ce qui est différent. C'est vrai, ouais. Effectivement. Moi, je me préserve pour Julie, jusqu'à ce qu'elle veuille bien coucher avec moi. Mais écoute, malheureusement, pourtant, vous êtes déjà mariée. Hein. Tu vas l'emporter dans ta tombe, ta virginité. Ah, pourtant, vous êtes déjà mariée, vous êtes mariée hier, elle a dit oui. Donc, non, c'est fiancé, on a un an pour se marier. Vous pourrez écouter, j'ai dit non. Hein, ouais. Je suis désolée, ne nous demande pas de réécouter, tu sais que tu auras dit oui quand on va rediffuser le truc. Donc ne nous le demande pas. Il est 8h35 sur Fun Radio, l'invité mystère dans un instant et Jim Classy Rose tout de suite. Stereo Earth sur Fun Radio. Jim Glass Heroes sur Fun Radio avec Stereo Earth. Il est 8h37, bon réveil. Dans un instant, il y aura le son de Mister You et le Colonel Rayel avec Mets-toi à l'aise. Et nous allons pouvoir enchaîner maintenant, et bah oui, avec bien sûr notre invité mystère. Alors attention, qui est notre invité mystère maintenant? Si vous avez une idée, alors évidemment c'est en anglais, mais enfin c'est pas très grave dans l'absolu. Vous repartirez avec vos billets d'avion. Écoutez bien l'invité mystère de ce matin, écoutez. Our baby is so beautiful. Our baby? C'est la fille qu'on cherche. At least it's not the little drummer boy like last time. Too soon? Don't be like that. You're gonna be the best baby daddy ever. Yes, it's not every day you get to raise the son of God. Alors, si vous avez une idée, quel est notre invité mystère? Elle a joué pendant de longues années dans une série qui a marqué l'esprit pas mal de monde d'ailleurs. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, elle avait un beau maillot rouge avant. Oh, Saint-Nicolas est arrivé. Oh, il est beau Saint-Nicolas. Hein. Alors faites attention. Bonjour les enfants. Faites attention monsieur votre papa. Oui. Vous risquez de toucher le plafond que vous êtes grand Saint-Nicolas. Oh, c'est parce que je mange beaucoup d'épinards. Ah, d'accord, ok, évidemment. Bon, alors Julie, tu veux te mettre sur les genoux de Saint-Nicolas pour faire une photo? T'es malade. Je vois directement à sa tête que Saint-Nicolas est un petit peu pervers, donc je ne suis pas certaine de me mettre sur ses genoux. Est-ce que tu as été sage? J'ai été très sage, Saint-Nicolas. Attention, parce que mon ami Père Fouettard a donné son petit fou, hein. Oui. Donc si tu le veux... Oui. Et en plus, c'est un Saint-Nicolas sadomasochiste. Ouais, c'est ça, il est un peu bizarre Saint-Nicolas. C'est bien le Saint-Nicolas de Fun Radio, ouais. Je vous confirme. Vous avez fait bon voyage Saint-Nicolas? Oh oui, avec l'autoroute là sur la E42, c'était un peu bizarre. Mais sinon, ah, vous êtes venu de là-bas, donc vous avez d'abord commencé à distribuer les cadeaux vers Mons, tout oui, ça. Oui, voilà. Ah, d'accord, bah, c'est bien, dis donc alors, c'est pas mal. Et donc vous n'êtes pas venu avec Père Fouettard, je suis très déçu. Non, il est pas lève-tôt lui. Ah, il est pas lève-tôt. D'accord, parce qu'il y avait du monde à fouetter, hein. Lob, Toff, tout ça. Ouais, t'es son fouet, donc si tu veux, tu peux... D'accord, ok, très bien. Il reste accroché à son fouet. Bah, oui. Il tient à l'utiliser. Bon, Saint-Nicolas, en tout cas, merci d'être venu. Et dans un instant, Sébastien Loh va venir sur vos genoux pour faire une petite photo pour sa mère. Viens, mon petit enfant. Je sais pas si je vais pouvoir le supporter, mais on sait jamais. Hein. C'est pour maman. Mais c'est pour maman, Loeb. C'est pour ta mère. Non, ça ira. Si, elle m'a envoyé un message. Viens sur mes petits genoux. Elle voulait que tu sois avec Saint-Nicolas. C'est normal. Voilà, très bien. Bon, ok, d'accord. Oui, Nicolas commence déjà à s'énerver. Oui, vous avez l'air un peu nerveux. Vous inquiétez pas, Julie va venir sur vos genoux dans un instant. Hein. T'es malade. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Il y a Issam qui dit mort de rire, Saint-Nicolas est venu à Fun. Mais attends, bien sûr. Le passe-partout pour tous les enfants, même les passages. Exactement, ouais, tout à fait. Bon, merci Saint-Nicolas. Hein. Bah, de rien. On en parle après pour les cadeaux, hein, après, pendant la pause. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Qu'est-ce que j'aimerais? Bah tu l'auras pas de toute façon. Vous avez vu comment vous êtes là, c'est pas gentil de votre part là. Vraiment, tu offres déjà trop de cadeaux aux auditeurs. Mais justement, c'est bien ça, j'ai été gentil, j'offre des cadeaux aux auditeurs. Oui, mais moi je peux même plus faire mon boulot là. Ouais, c'est vrai, effectivement. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, hein, j'ai toujours l'invité mystère à découvrir là, hein, comme je le disais, puisque Saint-Nicolas est arrivé comme ça sans prévenir, c'est normal en même temps. Hein. Donc on cherche une actrice qui a une grosse paire de seins, hein, on peut non, le dire. Non, mais pas naturel par contre, voilà. Beaucoup si courir vous avez... sur une plage avec un petit maillot. Exactement, ouais. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, il y a des billets d'avion à gagner. Merci Saint-Nicolas d'être passé. Hein. De rien. Allez, au revoir Saint-Nicolas. Au revoir les enfants. Dans un instant, Dans un instant sur Fun Radio, Mister You avec le colonel Rayel, c'est mets-toi à l'aise. Tu peux le faire, hein, Julie, mets-toi à l'aise sur les genoux de Saint-Nicolas. Hein. Ah non, merci. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 8h46 sur Fun Radio et parlons maintenant de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie ? Eh bien, accident sur le 313 Anvers en direction de Hasselt à hauteur de Lumen, bande de gauche obstruée. Accident sur le ring d'Anvers en direction des Pays-Bas à hauteur de Anvers-Linkeroever. Le passage est difficile. Et puis accident sur la 12 Bruxelles en direction de Anvers à hauteur de Arstelaar. Le passage est difficile. Il y a un accident à hauteur de Luxstraat. Très bien. Bon, si vous êtes sur les routes et que vous êtes témoin d'un problème, n'hésitez pas à nous le signaler pour faire jouer la Fun Solidarité. Vous envoyez un petit SMS au 3044, c'est 50 centimes le message, ou alors gratuitement sur mikl@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et la ligne anti-relou, c'est comme chaque matin sur Fun Radio. Ça se passe à 7h, 8h et 9h moins quart, du moins aux alentours évidemment, avec les meilleurs messages qui ont été laissés sur le numéro qu'on met à votre disposition, c'est-à-dire le 0 473 86 00 13. Si vous avez si vous êtes dans le collimateur d'un relou, n'hésitez pas à lui donner ce numéro en lui faisant croire que c'est le vôtre. Il sera ravi d'avoir votre numéro, sauf qu'en fait, bah, il ne saura pas que c'est pas le vôtre. Et donc laissera des messages et nous, ça nous permet tous les matins de nous marrer, comme par exemple avec ce message-là. Ouais, allô, bah alors t'es où? Ça fait 2 heures que je t'attends, tu fais le premier bowling, j'en ai marre, là, c'est la troisième fois. Bon, salut. Bon, salut, d'accord. Bon, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Oui, bonsoir. Ludovic à l'appareil. Oui. Tu m'avais donné rendez-vous sur le parking du Carrefour de Montréal. Oui. Ça fait une demi-heure que j'attends. Je n'arrive pas à te joindre. J'aimerais savoir quoi, car j'ai nettoyé mon sexe pour ce soir. Amicalement. J'ai nettoyé mon sexe pour ce soir. Oui, Julie, je l'ai nettoyé. Oui, je n'en veux pas cordialement. Tu m'étonnes, ouais. Amicalement. Bon, et dernier message pour ce matin. Salut, c'est Véron. Je suis devant l'IDIN. Tu me rappelles ? Ou pas, hein. Je me suis épilé pour venir ce soir. Bah, visiblement, ce sera pas un rappel, hein, malheureusement. Pas de rappel ce matin. Déception totale du public. Dans un instant, on va appeler encore une fois pour vérifier ce que les gens ont reçu pour Saint-Nicolas. Parce que mais bon, oui. Lui, on l'a oublié. Donc, il voulait être sûr que son cadeau soit pas arrivé à chez mauvais endroit. D'autre. Exactement. Et il est un peu vieux, Saint-Nicolas. Il perd un peu la tête. Bah, c'est ça, évidemment. Dans un instant, la nouvelle chanson sur le gouvernement également. Et puis, notre invité mystère, écoutez. Joe, our baby is so beautiful. Our baby. Come on, Joey. At least it's not the little drummer boy like last time. Too soon? Don't be like that. Voilà, c'est la fille qu'on cherche. Hein. Elle joue le rôle de la Vierge Marie, ce qui est quand même surréaliste quand on connaît. C'est une info dont j'avais parlé. Ouais. Exactement. Quand on connaît son rôle qu'elle avait dans cette grande série à maillot rouge, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. 63-22, des billets d'avion à gagner, qui est donc l'invité mystère. Elle s'est mariée également avec une star du rock à l'époque. Il y avait d'ailleurs une sextape qui avait tourné. Ils avaient fait l'amour sur leur bateau. C'était très sympa d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€. Le message, il y a des billets d'avion à gagner. Bonne chance. C'est Kate de Luna qu'on écoute maintenant sur Fun avec Fat Man Scoop. C'est Drop It Low. Il est 8h49. Bon réveil tout le monde et puis bonne chance sur la route. Il est 8h51 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Alors effectivement, on est un peu en retard hein, pour écouter notre ami Julien Derien. Julien Derien qui officie tous les soirs dans la tribu avec Evan sur Fun Radio. Si vous l'avez manqué hier, eh bien il est là le matin. Alors Julien Derien, c'est un peu le journaliste qui est toujours au top de l'actu, qui est toujours dans tous les événements. Il est toujours là où tout se passe. Écoutez. Avec Julien Derien, notre reporter, notre envoyé un petit peu spécial, il est vrai, il a décidé de nous parler aujourd'hui de la journée mondiale du bénévolat. C'est bien ça, hein, ce dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui, Julien ? Oui, tout à fait. Je voudrais en profiter, Evan, pour féliciter et encourager tous ces hommes de l'ombre qui travaillent bénévolement pour que le monde soit meilleur. Et de qui vous parlez, Julien ? De tous ces maris qui couchent avec leurs femmes et les contentent sans jamais rien demander en retour. tous ces hommes qui, pour éviter que des petites nanas de 20 ans se sentent seules, n'hésitent pas à tromper leurs femmes. Non. Non, Julien, s'il vous plaît, c'est une belle journée aujourd'hui, une journée utile pour que le monde soit reconnaissant envers tous ces bénévoles, voilà, qui travaillent pour aider les autres. Et vous, vous me fatiguez, quoi. Écoutez, Evan, vous allez être étonné. Pour être solidaire, j'interviens gratuitement aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas vous coûter un centime. Je suis bénévole. Ah, c'est beau, ça. Bravo. C'est vrai, c'est tout à votre honneur, je crois. Oui. Bon, bah, à part ça, Julien. Quoi, à part ça? Bah, je sais pas, vous n'avez rien d'autre à dire, c'est tout? Bon, bah, non, attends, je suis pas payé, je vais pas me faire chier non plus. Hein. Oh, gonflé, Evan, je vous dis que je fais cette chronique gratuitement et vous, vous abusez. Non, mais Julien, c'est un minimum, vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que vous venez de me raconter quand même? Ah, parce que je suis absurde en plus! Non, mais ça va pas bien là-dedans! Alors, c'est comme ça! C'est comme ça, on est gentil, on se fait traiter comme un ouvrier de la FNR Stahl. Eh ben, bravo, là. Bon, Julien, ça suffit maintenant, ça suffit vraiment, Julien! Non, ça ne suffit pas, je ne me laisserai pas manipuler par le capitalisme, vous m'entendez? Vous croyez qu'il est facile, mon métier? Bah oui. Vous croyez que c'est drôle de se retrouver en plein milieu de Charleroi pour commémorer la rénovation d'usine désaffectée, moche et dégueulasse? Hein? Vous croyez que c'est marrant, vous, d'être à Scarbec pour couvrir la fête du Dorum sans oignon? Vous savez où je vais vous le mettre, le Dorum? Non. Non, je me battrai jusqu'au sang. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. Il va pas bien. L'internationale sera ta le gueule. Genre humain. Bon allez, ça va maintenant, ça va. Merci, merci Julien. De rien. Eh ben voilà, quand il est pas payé, il est encore plus mauvais. 8h54 sur Fun Radio, dans un instant, on appelle donc pour voir ce que Saint-Nicolas est venu déposer dans les familles en Belgique. On écoute Mister You et le colonel. Mets-toi à Mets-toi à l'aise sur Fun Radio, c'était le colonel Rayel et Mister You aussi à 8h56. Dans un instant, l'info de Julie va débarquer. Et puis bah là, c'est l'heure maintenant d'appeler pour voir ce que Saint-Nicolas a déposé dans les familles. Puisque Toff n'a pas reçu son cadeau, il voulait simplement être sûr que Saint-Nicolas ne l'ait pas déposé au mauvais endroit. Je vérifie, tu vois, ce serait dommage. Bah oui, évidemment. Donc on appelle où? Bah on appelle à Saint-Nicolas, ça me paraît honnête. C'est même le mieux qu'on puisse faire. Exactement. Direction Saint-Nicolas maintenant. On avait appelé à Libin tout à l'heure et à Estimbourg, c'était un échec total. Oui. On peut le dire comme ça. Oui. Et puis ben on va écouter maintenant, on va appeler à Saint-Nicolas, c'est parti. Juste après on aura la nouvelle chanson du gouvernement également qu'on a diffusée depuis ce matin. Allez, on y va. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelais pour savoir si Saint-Nicolas, il était passé chez vous. Tu t'es écouté à 7h30 du matin ? Bah oui. Parce que je voulais, parce qu'en fait, j'ai pas reçu mon cadeau et je voulais savoir s'il était peut-être arrivé chez vous. Vous voyez déjà ou quoi ? Bah pas du tout madame. Qui êtes-vous? Je suis Toff. À l'aéroport. Ah non, attendez, vous m'avez pas dit s'il était passé. Ah oui, elle te le dira pas, hein. Elle ne va pas te le dire. Bon, ben c'est pas grave, on va la rappeler. Il faudrait qu'elle règle sa montre. Oui, je pense qu'elle a encore à l'autre heure. Hein. Allez, on la rappelle. Allô? Oui. Oui, il est passé chez vous, Saint-Nicolas? Chez vous, il est passé? Ben non, justement. Il est encore un peu tôt. Ah non, merci. Chanson bizarre, Saint-Nicolas. Oui, ils sont. Il est encore un peu tôt, hein, merci. Oui, il est encore un peu tôt, hein, merci. Hein. Bon, bah tant pis hein, pour Saint-Nicolas. Tiens, sinon, il est passé apparemment à Bruxelles chez Chris. Moi, j'ai reçu de mon boss un Père Noël en chocolat. En même temps, l'année passée, il avait offert des Saint-Nicolas en spéculoos pour Noël. Il a un peu de mal, hein. Bon, enfin, c'est l'attention qui compte. Ouais, hein? Mais tu vois, le mec, il fait des trucs quand même. C'est vrai, c'est l'attention qui compte. L'année dernière, il a offert les Saint-Nicolas trop tard. Cette année, il offre les Pères Noël trop tôt. Exactement. Avec un peu de chance, l'année prochaine, il sera synchro. C'est pas sûr encore, hein. C'est vraiment pas sûr. 8h58 sur Fun Radio dans un instant, c'est l'info qui arrive avec Julie. Je vous repasserai un petit coup de notre invité mystère pour repartir avec vos billets d'avion. Et puis la chanson maintenant sur le gouvernement, sur ce nouveau gouvernement. C'est parti, écoutez ça, dites-nous ce que vous en pensez. C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce gouvernement? Ils nous prennent vraiment pour des glands. Attendre plus de 500 jours pour avoir les mêmes qu'avant. C'est quoi ce gouvernement? Maintenant c'est vrai qu'il était temps. Car s'il n'y avait pas eu d'accord, l'Europe nous l'aurait mise dedans. Voilà, depuis hier c'est fait, ouais on est gouverné. Mais après une telle attente, on peut quand même critiquer. Pas grand chose à changer, car les mêmes sont restés. Il faut croire que pendant un an et demi, ils ont chômé. Espérons qu'ils arrivent à tenir jusqu'aux élections. Que les Irlandais des lions soient un peu moins légaux. Que les bons d'État fassent émerger l'euro. Et qu'ils ne finissent pas dans les poches de Moreau. C'est quoi ce gouvernement? Ils nous prennent vraiment pour des glands. Attendre plus de 500 jours pour avoir les mêmes qu'avant. C'est quoi ce gouvernement? Maintenant c'est vrai qu'il était temps. Car s'il n'y avait pas eu d'accord, l'Europe nous l'aurait mise dedans. C'est quoi ce gouvernement? Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, c'est quoi ce gouvernement? Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, yeah. Et voilà, 9h pile sur Fun Radio, c'était la chanson du gouvernement, on la remettra peut-être encore une fois, tiens, avant de partir, dites-nous ce que vous en avez pensé, justement, tiens, si vous l'avez aimé ou pas, justement. L'invité mystère, on vous remet un petit extrait dans quelques instants. Et on va écouter Lady Gaga aussi, Marry the Night. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 9h01 sur Fun Radio. Bonjour tout le monde, si vous venez d'arriver évidemment. Et nous allons maintenant passer à l'actu avec Julie. Bonjour à tous, eh bien oui, ça y est, c'est la fin de la crise qui aura duré un an et demi, la plus longue du monde. Sans surprise, Elio Di Rupo est Premier ministre. Il a prêté serment et a présenté au roi son gouvernement hier soir. Le casting ministériel Di Rupo Premier ne change pas fondamentalement. Il y aura 19 postes au lieu de 22, 13 ministres et 6 secrétaires d'État. Concrètement, 3 ministres conservent leur poste, 7 ministres changent de poste, une ministre fait son entrée au gouvernement, Monica de Koning, SPA, ministre de l'Emploi, et puis un ministre fait son retour au gouvernement, Johan Van de la Notte. Les prestations de serment auront lieu cet après-midi à 15h. L'opposition a déjà bien sûr réagi. La NVA fustige un gouvernement obèse. Et Colo trouve qu'il sonne creux. Ce matin, les chauffeurs de la STIB ont repris le travail à Bruxelles. Plus de perturbations à craindre sur le réseau. Par contre, demain, il va falloir prendre son mal en patience. À Liège, le réseau Tech Liège-Verviers sera paralysé. Aucun véhicule ne devrait sortir des dépôts. Les travailleurs tech débrayeront en raison de la manifestation syndicale interprofessionnelle en soutien au secteur de la métallurgie. Cette grève devrait durer 24 heures. En juin 2012, Belgacom augmentera de 3,41% certains tarifs de téléphonie fixe et mobile, ainsi qu'Internet fixe. Cela correspond à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation entre octobre 2010 et septembre 2011, explique l'entreprise. Aujourd'hui, 6 décembre, j'espère que Saint-Nicolas est passé chez vous. Ouais, le grand il est passé. Oui, il est bien passé chez nous en tout cas. Le grand saint qui fait lui aussi des économies. Les cadeaux de seconde main connaissent un intérêt croissant auprès du grand public, tandis que les tablettes et smartphones, véritable phénomène de société encore tout récent, figurent en tête de liste des cadeaux les plus prisés. Standard & Poor's a placé sous surveillance négative 15 pays de la zone euro et le couperet se rapproche pour les 6 pays de la zone euro notés d'un triple A. L'agence d'évaluation financière pourrait baisser la note allemande d'un cran et celle de la France de 2 crans. L'agence a justifié son annonce par sa conviction selon laquelle les tensions systématiques dans la zone euro ont augmenté ces dernières semaines jusqu'au point de faire pression à la baisse sur le degré de solvabilité de la zone euro. En République démocratique du Congo, les résultats des élections pourraient ne pas encore être dévoilés aujourd'hui. Joseph Kabila est toujours donné vainqueur. 20 000 militaires se tiennent prêts en cas de rébellion à l'annonce des résultats. 9h03 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Plein de messages qui arrivent aussi par rapport à la chanson du gouvernement. Tiens, trop bon, j'espère que ces people l'ont entendu, c'est Rudy. Trop top la chanson du gouvernement et choisir l'air de Kinvé est trop adéquate. Super, j'en rigole encore. Bonne journée à toute l'équipe, c'est Vanessa. On demandait aussi, c'est Issam qui demandait si la chanson du gouvernement allait être sur ma page. Oui, oui, on la mettra, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Dans un instant, je vous rembourse vos factures. Mais avant d'en parler, c'est la météo maintenant avec Julie toujours. Une météo un petit peu comme hier, hein, assez calme avec de belles éclaircies sur la Wallonie et quelques averses hivernales du nord du pays au canton de l'Est. Le vent d'ouest sera modéré. Température toujours assez fraîche de 1 à 7 degrés. Demain, par contre, pluie sur tout le pays. Eh ben, quelle bonne nouvelle. Tiens, dans un instant, je vous rembourse vos factures. Je vous explique comment ça se passe dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et dans un instant, je vous rembourse vos factures sur Fun Radio. Pour vous faire rembourser vos factures, un seul système. Il suffit de nous envoyer votre petit message au 6322 en le débutant par facture avec le montant et l'objet de la facture. Qu'est-ce qu'il y a comme facture? 40€ pour des fringues, 31,53€ pour Mobistar, 67,47€ pour de l'eau, 99€ pour un GSM, 60€ pour le voyage réto de ma fille. Qu'est-ce qu'il y a également? Une machine à pain, 130€, 100€ pour les frais d'hôpitaux à cause d'un accident sportif, etc., etc. si vous aussi vous voulez qu'on vous appelle dans 5 minutes maximum pour vous rembourser votre facture, sachez qu'il n'y a qu'une seule solution, envoyez votre message donc au 6322, le débuter par facture en mettant le montant et l'objet de la facture dedans. C'est pas compliqué, vous nous envoyez ça, c'est 1€ le message, bonne chance tout le monde. Alors, à 9h05, quelle est l'info en plus ? Eh bien, alors pour ceux qui font régime, ou ceux qui veulent faire juste un tout petit peu attention, en général, on consomme des aliments dits « light ». Je sais, toi, Tov, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est, D-Light ? Qui sont dits « light ». Donc, ce sont des aliments « light ». Eh bien, le problème, c'est qu'en fait, des scientifiques ont découvert que ces aliments « light », au lieu de nous faire perdre du poids, eh bien, ils nous feraient prendre du poids. Parce qu'en fait, les aliments normaux, avec le goût de la graisse ou avec le sucre, eh bien, mais oui, de la bonne graisse. Eh bien oui, ces aliments envoient un message à notre corps qui les ingurgite. Tu t'engraisses, tu deviens gros. Exactement, le corps sent qu'il y a de la graisse ou du sucre et donc du coup, il lance la machine pour brûler les calories. Alors il en redemande encore plus. Par contre, non, justement, par contre, si on mange des aliments light, il n'y a pas vraiment de message qui est envoyé au corps, donc tout est un petit peu déréglé, il n'y a pas grand-chose qui se met en route et justement, le corps nous dit qu'il a envie de manger plus parce qu'il a l'impression de ne pas avoir eu assez. Donc, oui, manger plus pour grossir plus. Non, pas du tout, manger équilibré et de tout ça. Simplement. D'accord, donc moralité, un bon Giant, des frites, un coca de full sucre. De temps en temps, ça fait plaisir. Oui. Ah ouais, bah oui, moralité, oui. Ah bah ça, oui. C'est sûr, ça fait plaisir, c'est clair. Bon, le retour de l'info, c'est tout à l'heure à 10h avec Lucas et avec Julie. C'est pas Lucas qui fera les infos, qu'on rassure tout le monde. Ça pourrait être drôle que Julie fasse le self et Lucas les infos. Ça pourrait être pas mal. Tiens, on verra bien pour le 1er avril. Oh non, c'est dommage, le 1er avril est un week-end. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. En direct sur Fun Radio, tous les matins on vous rembourse vos factures. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est le système pour que vous puissiez peut-être vous faire rembourser votre facture. Comme là, 55€ pour des vêtements sexy pour ma copine. Ouais, bon, en même temps tu veux qu'on te les rembourse alors que nous on va même pas en profiter. Mais c'est ça, au moins qu'il envoie une photo. Oui, voilà, c'est ça, faut voir quoi ça paye. Mais oui. 80€ pour une contravention de la police, 100€ pour la taxe télé. Qu'est-ce qu'il y a, 80€ pour soigner une rage de dedans. Ah oui, ça fait bien ça, mal. C'est pas de chance. 89€ pour la SWE, merci. Mais de rien, écoute, c'est pas encore sûr qu'on va t'appeler, mais on va appeler au hasard maintenant. Allez, c'est parti, vous avez été nombreux à vous inscrire, on y va, on compose et hop là. On appelle chez quelqu'un si il ou elle décroche. Répond bien à la question, c'est gagné. Puis juste après, je vous remettrai un petit coup de l'invité mystère. De l'invité mystère. On va pas rester sur un échec quand même. J'en ai peur. C'est bien malheureux. Bah alors. Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas. Non. Qui paye les factures le matin ? C'est Fun Radio. Mais... Eh oui, c'est effectivement nous, nous sommes là. Eh oui. Comment tu t'appelles ? Sur le fil, j'ai cru que ça allait être le répondeur. C'est Sandrine. Sandrine, t'es dans quelle ville, Sandrine ? Oui. Liège. Dul de Liège, 99 FM pour écouter Fun Radio à Liège, partout à Liège. Et on va te rembourser une facture de quoi ? De 40€ pour un petit polo pour mon beau-père. Oh, ah, pour le beau-père ? Pour le beau-père, c'est-à-dire oui. le père de ton copain ou le nouveau voilà, mec de ta... Ça. Ah, d'accord, ok. Ah, tu offres un polo à ton beau-père, toi ? Mais oui, il faut bien qu'il soit bien habillé, ce garçon. Bah oui, c'est ça. D'accord, bah écoute, pas de problème, on va te rembourser tes 40€. Alors, spécial cadeau, là, pour l'instant. Bah, hein. On a remboursé un autre cadeau tout à l'heure, donc c'est cool. Et bah écoute, voilà, il n'y a pas de problème, tu restes au standard, Sandrine, on va prendre tes coordonnées, tout expliquer, super. D'accord ? Merci, à grand merci. Je t'en prie, je te fais des bisous, à bientôt. Salut, ciao à toi. Dans un instant, il y aura l'horoscope également sur Fun Radio avec Maître Ping aujourd'hui, car notre ami Doudou est souffrant. Rassurez-vous, il va bien, mais enfin, il est un petit peu souffrant. Et puis, je vous fais écouter maintenant une dernière fois notre invité mystère. Joe, our baby is so beautiful. Oh, yeah. Our baby. Come on, Joey. At least it's not the little drummer boy like last time. Voilà, elle joue le rôle d'une vierge Marie, ce qui lui va quand même relativement mal quand on voit ce qu'elle a fait comme chirurgie et comme rôle dans d'autres séries, notamment une très très connue qui se passe sur les plages californiennes. Oui, puis enfin, elle a surtout fait une sextape. Elle a fait une sextape avec son, ça, avec son okay. mari Tommy Lee, ouais. Ça, c'est vous que ça intéresse. Sinon, on la connaît plus pour son maillot rouge. Ah non. Ah non. Ah, non, nous, on la connaît plus. On la connaît plus pour son image verte. Mais voilà, c'est ça, ouais. C'est bien ce que je dis. C'est vous, ça vous voilà. intéresse. Bon, si vous avez une idée, qui est-ce, il y a des billets d'avion à gagner. On vous appelle dans moins de 10 minutes. 63-22, c'est 1€ le message. Vous mettez simplement son prénom. Enfin, son prénom et son nom de famille, en fait, tout simplement. D'ailleurs, on je vais aller la regarder dans un instant. Oui, bah, regarde-la dans un petit coup. Regarde-la un petit coup, pardon, effectivement, avec son beau maillot rouge. Ah, oh, c'était beau. Ah non, je parlais de l'image verte. Sextape. Allez, Enrique Iglesias et Pitbull, on écoute maintenant I Like How It Feels sur Fun Radio. Bonne matinée. It's my time. Fun Radio. L'horoscope. Mais oui, c'est l'horoscope tous les matins sur Fun Radio, 7h15, 8h15 et 9h15. Et nous avons Maître Ping qui est toujours là, évidemment. Hein. Bien dur, là. Bah oui, donc vous êtes le traiteur asiatique près de la radio et vous remplacez Doudou au pied levé parce qu'il est un peu souffrant aujourd'hui. Oui, voilà. t'es pas de côté nous, on a le temps de l'horoscope depuis plusieurs générations. Oui, évidemment, c'est un art de vivre en fait chez vous. Hein. Exactement, le sage a dit hein, toujours savourer même ce qui n'a pas de saveur. Oui, évidemment, Maître Ping, effectivement. Je me disais la même chose justement en me levant ce matin. Bref. Je n'en doute pas, je sais que vous êtes un tas. Allez, horoscope un peu particulier ce matin, évidemment, puisqu'on va commencer par les rats. Mais bien sûr, en affaire, la chance sera de votre côté avec cet aspect de l'astre fond chaos. Les buffles. L'astre Mauk Duc veillera à vous voir enfin réaliser quelque chose de vos ambitions professionnelles les plus chères. Les tigres. Si vous avez des ennuis d'argent, l'astre Tian Fuk, en bonne position dans votre ciel, vous offrira de nombreuses possibilités de vous en sortir. Le chat. Vous serez en forme et pour cause, l'astre Oasting, le concentré d'énergie du ciel qui va prendre les commandes dans votre secteur santé. Les dragons. Vous vivez cette journée dans une ambiance plus détendue et aurez le sentiment de mieux profiter de votre liberté. Les serpents. Avec l'astre Tian Kui, mal aspecté, il vous sera difficile de résister à l'envie de faire des scènes de jalousie. Le cheval. L'astre Kumo et Oaki, bien placés dans votre ciel, vous permettront de vous rapprocher de votre partenaire. Le bouc. Cet aspect de l'astre Van Kuk pourra vous jouer des tours aujourd'hui. Ce ne sera pas le moment de prendre des risques sur le plan financier. Le singe. Le présent impact planétaire pourrait vous causer quelques difficultés dans votre travail. Le coq. Ah, c'est moi ça, c'est très bien. Oui, l'astre Oaklok vous rendra exagérément optimiste dans votre métier et vous incitera à sous-estimer les difficultés. Le chien. Quel soulagement, débarrassé des influences perverses de l'astre Fong Kao. Vous recommandez à jouir d'une excellente santé. Et pour terminer, le cochon. Pour les solitaires, c'est la présence de la planète Bak-Ao dans le ciel qui vous marque. C'est pas facile, hein. Non, Bak-Ao, c'est difficile, oui. dans le ciel qui vous marquera le début d'une période particulièrement faste côté cœur. Très bien, merci Maître Ping d'avoir remplacé Doudou malade aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr, c'était avec plaisir. Mais j'imagine bien. Merci, à bientôt, Maître Ping. Hein. Bien sûr. Je passerai tout à l'heure, vous mettrez le 17 et le 42. Bien sûr. Comme d'habitude. Ah bah, parfait, merci beaucoup. Hein. Allez, on écoute Ina maintenant avec Rob Magan. C'est un momento. Dans un instant, on parlera également des anges de la télé-réalité. Et puis, bien sûr, on remettra la petite chanson là sur le gouvernement. Vous l'avez bien aimé. On la remettra juste avant le self sur Fun Radio. Il est 9h20, c'est le 6 décembre aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Dans un instant, on vous mettra la nouvelle chanson sur le gouvernement, puisqu'il y a un nouveau gouvernement. Bah, on s'est dit, il faut pas passer à côté, évidemment. On 9h23. Est toujours les premiers sur Mais le oui, fond. Bien sûr. On 9h20, surtout. 9h23 sur Fun Radio. Dans quelques instants, on appellera Lou les gagnantes qui aura découvert notre invité mystère et qui repartira du coup avec ses billets d'avion, comme promis. Mais avant cela, évidemment, eh ben, ça y est, hein, les anges de la télé-réalité à New York, c'est fini aussi. Oh. Ah ben, on n'aura bientôt plus rien à vous diffuser. On est vraiment très déçus. Toutes les bonnes émissions, elles s'arrêtent. Enfin, en tout cas, toutes celles qui nous apportaient pas mal de matos quand même, tellement ils sont cons là-dedans, mais bon, on va quand même vous garder quelques bons moments des anges, évidemment. On pensait que la vie américaine avait changé Michael Vendetta. Ce que je retiens, c'est que j'ai aimé une femme, j'aime une femme, et il y a un avenir avec cette femme. Les anges de la télé-réalité avec Michael et Annel, c'est l'amour. Eh oui, c'est l'amour, on a failli y croire, hein, mais le vrai Vendetta n'est pas mort. Je ne pouvais pas laisser ma reine faire le ménage toute seule. J'étais obligé que le bon roi Vendetta participe à cette tâche ménagère. Mais oui, bien sûr, hein, mais qu'est-ce qu'il est bon. Quel homme bon, mais quel oui, homme. Oh là là, il est bon ce Michael Vendetta quand même. Surtout quand il parle à sa bien-aimée. Non, mais il n'y a que moi qui est doué, cherche pas chez. Ah! Il n'y a que moi qui est doué, bébé. Oui, il y a que il parle bien. Bah, en tout cas, il est peut-être doué dans les ménages, mais pas dans le français. Hein. Télé-réalité, c'est normal, c'est un critère, n'oublie pas. Oui, c'est vrai, effectivement. Enfin bref, bon, on avait quand même cru avoir perdu Michael Vendetta, mais bon, ça va, il est toujours aussi chiant. La preuve, quand il faut faire le défi d'embrasser des moches. Ça sert à rien, les face, moches. En face. Les tons, elles n'ont jamais embrassé un mec de leur vie. Moi, ce défi, j'aurais jamais accepté. Bah, c'est un défi qui est ridicule. D'aller voir des tons et de les supplier, les embrasser, ça tue l'image d'un beau gosse. C'est pas possible. Mais il n'a pas tout à fait tort. Là où il a tort, c'est que lui n'est pas un beau mais gosse. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, effectivement, il n'est pas beau. Voilà. Et puis, oui. Donc, on retrouve quand même le vrai Vendetta pour la fin de cette émission. C'est quand même pas mal. Et pour finir cette troisième saison des Anges de la télé-réalité, on se devait de finir par Kamel l'anglais. Hein. Donc, aujourd'hui, on va apprendre comment on dit embrasser dans la langue. On va faire un franchise à New York. Un franchise à New York. Juste arriver à récolter des bisous, bah franchement t'es fort. Voilà, donc embrasser avec la langue, ça se dit comme ça. On va faire un franchise à New York. Un franchise à New York. Juste arriver à récolter des bisous, bah franchement t'es fort. Voilà, un franchise. Oui, c'est pas ce que ça devait revenir, mais. En fait, il était en train de commander à bouffer, on n'a pas compris. Peut-être. Enfin voilà, donc au top de l'anglais, si vous voulez apprendre de nouvelles langues, n'hésitez pas à regarder ce genre de télé-réalité, je pense que vous serez au top de cette manière. Bon, nous avons Gaëtan qui est avec nous. Bonjour Gaëtan. Bonjour Mika. Bonjour, comment ça va Gaëtan? Faut arrêter de fumer maintenant. Hein. Ouais. Comment? Je dis faut arrêter de fumer, Gaëtan. Je ne fume pas. Non, je suis la petite fille de Jeanne Moreau. Non, c'est ça. C'est tout. Je disais ça, c'est pour vous. C'est pour toi, évidemment, Gaëtan. Bon, t'appelles de Soigny, toi. Et Gaëtan, tu as la réponse à notre invité mystère. Joe, our baby is so beautiful. Oh, yeah. Our baby. Come on, Joey. Elle joue le rôle de la Vierge Marie. C'est pas ce qu'elle faisait avant. Hein. Too soon? Don't be like that. They're gonna be the best baby daddy ever. Yes. Alors, Gaëtan, qui est notre invité mystère? C'est Pamela Anderson. Mais oui, c'est Pamela Anderson, Gaëtan. Bravo à toi, tu repars avec tes deux billets d'avion. Mais c'est ça... trop génial. Mais t'as vu un peu comment on est ici, hein. Saint-Nicolas, c'est pas lui qui va t'offrir ça, hein. Mais oui, c'est génial. Alors que nous, on te l'offre. On t'offre tes deux billets d'avion, il n'y a pas de problème Gaëtan. Bon, et ben écoute, avec grand plaisir, c'est dingue. Avec grand plaisir. Ils sont partis pour le dire. C'est vrai. Bon, gros bisous Gaëtan. Gros bisous, merci. À bientôt, salut Gaëtan. Et on remet le couvert évidemment dès demain avec les billets d'avion encore à gagner. Ce sera entre 6h et 9h30. Je vous rappelle également qu'on sera à Mons. Ça se passera en revanche ça jeudi. Si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas, on sera dans une salle de sport où on a décidé de mettre Tof et Lob au régime. Power Gym. Exactement, le Power Gym. C'est 69 rue de Nimy à Mons. Grand temps de les mettre au régime. Oui, je te confirme. Donc rue de Nimy au numéro 69, c'est à Mons. Alors on sera là donc en direct pour faire le morning dans cette salle de sport. Et surtout, vous êtes les bienvenus, ça c'est la première chose. Seconde chose, on a besoin de vous en nombre, car on va faire un nouveau record. Enfin, on va tenter de battre un nouveau record. Record donc de nombre de personnes dans une Mini Cooper. Voilà, on va recevoir une Mini. Le but étant, le record étant de 26, il faut qu'on soit 27 pour battre le record. Minimum. Mais minimum. Si voilà. On peut monter à 30. Alors, bien sûr. Trop gros et trop grand, s'abstenir évidemment. Évidemment. Vous pouvez quand même venir, hein, y a pas de problème. Pour regarder, hein. Oui. Voilà. Bah, l'autre donc sera aussi à côté pour regarder. Ah, ça c'est sûr. Voilà, donc si vous voulez venir, donc direct, en direct du Power Gym, 69 rue de Nimy à Mons, venez nombreux, donc n'hésitez pas, on sera là, vous allez pouvoir Tof paye son petit déj en plus, donc ça fait plaisir. Bah évidemment. Bah tiens, voilà, c'est la bonne nouvelle. Et donc j'ai un peu du mal à y croire. Ah ouais, tiens, c'est bizarre. Bon, la bonne journée Julie. Bonne journée Mickaël. Bonne journée à Lob et à Tof également. Mais à demain, oui. Voilà, en pleine forme, on sera là dès 6h évidemment. Et on va se quitter avec cette magnifique chanson sur le gouvernement justement. Fêtons le nouveau gouvernement. Dans un instant, c'est Lucas qui arrive avec le self jusqu'à 13h, la chanson du gouvernement. C'est maintenant sur la musique de Kim. C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce gouvernement? Ils nous prennent vraiment pour des glands. Attendre plus de 500 jours pour avoir les mêmes qu'avant. C'est quoi ce gouvernement? Maintenant c'est vrai qu'il était temps. Car s'il n'y avait pas eu d'accord, l'Europe nous l'aurait mise dedans. Voilà, depuis hier c'est fait, ouais on est gouverné. Mais après une telle attente, on peut quand même critiquer. Pas grand chose à changer, car les mêmes sont restés. Il faut croire que pendant un an et demi ils ont chômé. Espérons qu'ils arrivent à tenir jusqu'aux élections. Que les Irlandais des lions soient un peu moins légaux. Que les bons d'État fassent émerger l'euro. Et qu'ils ne finissent pas dans les poches de Moreau. C'est quoi ce gouvernement? Ils nous prennent vraiment pour des glands. Attendre plus de 500 jours pour avoir les mêmes qu'avant. C'est quoi ce gouvernement? Maintenant c'est vrai qu'il était temps. Car s'il n'y avait pas eu d'accord, l'Europe nous l'aurait mise dedans. C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce gouvernement? panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. Fun Radio présente Orelsan en concert. Le samedi 26 janvier 2012 à l'Antenne Belgique, vous ne résisterez pas au chant des sirènes. J'entends du chant des sirènes. Regarde autour de moi tous ces gens qui m'aiment. Orelsan en concert, un artiste qui marque sa génération avec une flopée de tubes et de moments live impressionnants. Je resterai pas bloqué dans une parodie de succès. Samedi 26 janvier 2012, Orelsan en concert à l'Ancienne Belgique. Dans le rap, dans le cap, dans la vie avec les filles, je suis perdu. Infos et réservations sur abconcert.be.